Et donc, un petit peu le cousin de ça, c'est le jeu de rôle textuel. Donc, que ce soit par forum, par Facebook ou par lettre, en fait. Ouais, bah c'est une Par pratique mail, hein, assez ancienne en éventuellement. fait, hein. Je pense que Ouais. du moment où, on va dire, fin des années 80, début des années 90, je pense qu'il y avait déjà des gens qui jouaient par forum ou par lettre, hein. Je me souviens de jeux par correspondance, hein, dont ils faisaient la publicité dans l'antique Casus Belli, existait déjà, hein. Et donc c'est une pratique qui est quand même assez ancienne et que la technologie a permis de remettre au goût du jour. Ce qui est intéressant, et ça c'est cousin d'ailleurs avec une vague de. C'est que c'est souvent toute une famille de jeux sans livre. C'est-à-dire qu'il y a pas de, il y a très peu de, il y a très peu de jeux qui sont écrits exprès pour le jeu textuel. Bon, on a Sur la route de Chrysopée de Morgan Rennier, il y a le jeu Lovecraftien, merde, j'ai oublié son nom. De profundis. De Profundis. Bon, il y en a peut-être sans doute d'autres que j'oublie, mais c'est quand même très très limité. Moi, j'ai prévu de sortir assez prochainement un petit jeu Milvaux comme ça textuel qui s'appellera Inforenza Scriptoria. Ah non, autant pour moi, Scriptoria, c'est une version qui a déjà été sortie par Félix Bérou. Enfin, je vais mettre là. Mais je vais en sortir une moi-même un peu plus, parce que j'ai un peu étudié entre guillemets, les limites du jeu de rôle textuel et du jeu de rôle par forum, et je vais sortir ma propre proposition, tu vois, pour gérer un peu le jeu de rôle par forum, quoi. Déjà, ce que ça nous apprend, le jeu de rôle, donc, et en fait, je fais un parallèle avec le jeu de rôle tradi. Je pense qu'il y a toute une scène de jeu de rôle sur table. Et notamment ce qu'on appelle la scène freeform australienne, où il se passe en fait, où ils n'utilisent pas les jeux du commerce. Du coup, ils se font leur propre univers. En fait, c'est que du jeu maison, tu vois, et il n'y a pas, c'est sans utiliser les livres du commerce. Dans le monde du jeu textuel, alors moi, je vous invite à il y a une série de YouTube. Comment sur la chaîne YouTube de Infinite RPG. Infinite RPG, c'est une communauté de jeux de rôle textuel. Et en fait, ils ont fait une série de tables rondes YouTube où ils réfléchissent en fait sur leurs médias. Donc c'est super intéressant d'aller voir un petit peu comment eux ils jouent, parce qu'ils jouent complet, enfin leur façon de jouer, elle est très très différente de la nôtre en fait. Ouais, c'est le RP textuel. Voilà. Bon, il y a des façons assez proches, parce que moi, tu vas sur un forum comme Planète Rollist, tu vois en fait les mecs, en réalité, ils jouent dans les univers des JDR traditionnels, quoi. Ils vont jouer à Warhammer, ils vont jouer à Dark Heresy, à Donjons et Dragons, ils vont jouer à Pathfinder, mais par forum, quoi. Soit ils vont jouer carrément avec les règles du jeu de rôle, tu vois, ils jouent à Pathfinder avec les règles de Pathfinder, c'est-à-dire qu'ils font tous les jets de dés par forum, quoi. Bah alors là, je te raconte pas, à mon avis, ils passent une semaine pour faire un combat. Ou alors, ils utilisent juste l'univers, tu vois, et puis en fait, ils jouent sans règles. Ce qui est intéressant, c'est aussi une forme de jeu enfin, qui se passe volontiers de MJ. C'est-à-dire que chacun raconte ce que fait son perso, sauf qu'après, il faut savoir le gérer. C'est-à-dire que on a un peu le syndrome des fois, syndrome, ce que j'appelle le syndrome de l'auberge. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives sur le forum et en fait, grosso modo, c'est une auberge où il y a des persos quoi qui vont faire du roleplay, mais finalement, il se passe rien quoi. C'est-à-dire que le perso il te raconte ce qui lui est arrivé dans la vie ou qu'il veut faire telle mission, qu'il a besoin d'aide pour telle mission. Mais en fait, la mission, on la fait jamais, on sort jamais de l'auberge, quoi. On fait que du roleplay. Tu C'est vois un petit peu l'idée, quoi. entendu parler. Moi, c'est par rapport à un autre forum, le forum Gotham, qui justement permet de jouer, comment dire, en forum textuel, justement, enfin en GDR textuel, dans le monde des ténèbres. Ouais. Et où là, par exemple, non, par contre, là, tu disais, mais il y a quand même beaucoup de modérateurs, hein, qui modèrent déjà rien qu'à la création du personnage. Demande énormément, on va dire, d'investissement dans son personnage. Et après, oui, on est dans des salons où on fait beaucoup de RP, et où c'est vrai que l'action, bah, il y en a beaucoup. C'est un peu le souci en fait de cette façon-là de jouer en textuel sans MJ, c'est que du coup il y a pas d'action parce qu'en fait pour qu'il y ait de l'action il faudrait qu'il y ait un animateur qui prenne en main. Voilà, des événements extérieurs. Mais bon, il y a énormément de jeux textuels avec MJ hein, où là du coup il y a un MJ et c'est lui qui va prendre en main l'adversité. Moi je sais que c'est un truc que j'essaye de résoudre avec le jeu que je vais sortir là. Ah bah tu vois, je sais même pas comment il va s'appeler Inforenza quelque chose, mais je vais le noter Inforenza en ligne, je trouverai un nom quoi. Essayez de proposer du jeu textuel sans MJ, mais où il y ait vraiment de l'action. Je sais qu'il y a un groupe qui a joué à Inflorenza avant, l'Inflorenza de base, ils ont fait une campagne en ligne, où du coup il y avait de l'action, parce que le système permettait de le gérer, quoi. Alors qu'ils jouaient sans MJ. Par contre, ce qu'ils m'ont confessé à la fin, c'est que l'expérience était intéressante, mais très fatigante, en fait. Parce que pour le coup, ça sortait de leur habitude. La question, c'est comment on ramène ça dans le jeu de rôle tradi. Moi, je sais que j'ai fait une expérience en fait de campagne hybride où je jouais en fait à la fois avec des joueurs que je pouvais voir IRL et donc on faisait des soirées sur table, tout ce qu'il y a de plus tradi, et à la fois avec des joueurs qui étaient des joueurs de la campagne précédente en fait, que je pouvais uniquement avoir en ligne quoi. Et donc, au début, j'ai commencé par gérer chacun de façon différente. Il y avait aussi des passages épistolaires, quoi. C'est-à-dire que il y avait aussi il y avait des moments où j'avais pas accès à Internet et donc du coup, je gérais par courrier. Enfin, je crois qu'on a tous essayé sur cette campagne. On jouait en textuel, mais en live, c'est-à-dire dans les salles de cours. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre le cours, si tu veux, on s'est changé les petits papiers et on jouait comme ça. Bon, c'est mal, Très mal. hein? Bon, ça m'a pas empêché d'avoir mon concours, fort heureusement. Et en fait, au bout d'un moment, on a commencé à brasser les différents groupes de. Alors déjà, ça me permettait, sur la campagne, ça me permettait d'avoir, je crois, au maximum, j'ai dû avoir 15 à 20 joueurs en même temps, quoi. Donc ça me permettait de jouer un grand nombre de joueurs. Et surtout, au bout d'un moment, on a commencé à brasser. C'est-à-dire que les joueurs IRL, ils se sont mis à interagir avec les joueurs en ligne. Et donc, du coup, ils allaient sur le forum et aussi, tu vois. Et donc, il y a un moment où vraiment on jouait. On utilisait tous les supports en même temps, quoi. Et il y avait des choses que tu peux faire qu'en ligne, comme par exemple la création d'alias par le MJ, quoi. Où moi j'arrivais, en fait, il y avait des personnages qui avaient été clonés dans le. Enfin, il y avait des personnages qui avaient été clonés dans la partie, et moi je jouais les clones des personnages, je me faisais passer en fait pour des PJ, grâce à des alias. Chose que je pouvais absolument pas faire IRL, quoi. Et je crois que ça a amené aussi le fait qu'on bon des fois même on faisait aussi des petits passages en Messenger quoi tu vois hein, donc sur une temporalité plus courte. Et ça a amené aussi une notion de jeu fluide où on pouvait jouer tout le temps ce que j'appelle le jeu persistant. Et donc je me rappelle à un moment où je me suis retrouvé en stage et j'avais plus qu'un joueur IRL avec moi quoi qui était dans le même stage que moi. Et du coup, bah en fait, on n'avait pas amené nos personnages parce qu'on pensait pas jouer, quoi. Et je crois que j'avais quand même amené un dessin. Et donc du coup, je faisais jouer comme ça, en quasi freeform, en quasi règle zéro, quoi. Et je faisais jouer son personnage, comment. Et bon, de temps en temps, je faisais tirer au dessin, quoi. Ou alors, ça m'a amené de toute façon à faire beaucoup de scénarios solo comme ça. Le petit défaut de cette démarche, c'était quand même, enfin, à rigueur, c'était pleinement assumé, en fait, plus exactement, c'est que c'était clairement du jeu à plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des personnes qui jouaient beaucoup plus que d'autres. Problème généralement, c'est ceux qui sont très assidus le forum vont avoir évidemment beaucoup plus d'impact. Ouais, après, c'est un problème où ça n'en est pas. On Bah, peut c'est dire qu'à la favoriser les rigueur. gens qui s'impliquent hein, d'une certaine manière. Ouais, mais ça peut être bon, c'est à la carte, dans le sens où t'es pas obligé de t'impliquer autant. Il y avait des joueurs qui étaient un peu plus en filigrane, mais ça leur convenait bien, entre guillemets, quoi. Ils n'avaient pas envie de passer non plus 15 heures par semaine sur le jeu, quoi. Donc après, oui, ça les gêne, on va dire, d'être moins au devant de la scène. Voilà. Voilà, oui. T'as quelque chose à ajouter, toi, sur toutes ces parties textuelles, hein? Non, moi, je juste, voilà, c'est une utilisation un petit peu très, très, très limitée. Malgré tout cela, j'ai sur mon propre forum que salon de discussion des joueurs qui échangent, on va dire, entre les parties, leurs actions et sur la manière dont ils vont gérer leurs actions, ou sur un peu leur ressenti, on va dire, sur l'intrigue, sur ce qu'ils vont faire à la prochaine séance. Permet en fait d'accélérer un petit peu pour la reprise de la séance sur table après, quoi. On l'utilise plus les pardon, les intercessions d'une certaine Ouais. manière. Ah, Je trouve aussi que c'est une vraie école du roleplay en fait. C'est-à-dire que la joueuse qui est habituée à jouer en ligne, elle produit plus de roleplay. Bah d'ailleurs, si tu veux, quand tu écoutes les joueurs textuels, le terme roleplay, c'est vraiment quelque chose, c'est un truc, c'est vraiment quelque chose qui est central dans leur pratique. clair. C'est Ça, vraiment, c'est. ça revient en boucle dans leur conversation. C'est voilà, on dit pas on joue, c'est on roleplay quoi. C'est le roleplay quoi. Et aussi effectivement, comme tu dis, ça fait travailler l'implication. Ça t'entraîne à avoir un personnage qui résonne sur la durée, tu vois, sur la durée de la campagne, qui va faire des projets effectivement quoi. Donc qui va planifier. Et puis, je trouve aussi que c'est une bonne école de la narration partagée, dans le sens où souvent dans le comme il joue sans MJ, et du coup tu vas quand même souvent décrire le décor et les figurants, tu vois, ou ramener rien comment augmenter l'historique de ton personnage au fur et à mesure. Et donc, je pense qu'après. D'ailleurs, souvent on a il y a des joueurs textuels qui disent je reviendrai pas. Au jeu de rôle sur table parce que je trouve que je suis trop bridé, tu vois. Mais en réalité, tu peux le prendre autrement en disant, t'arrives avec cette expérience de jeu textuel, et en fait, du coup, t'es plus émancipée comme joueuse, t'as plus d'aisance à prendre en charge les décors, les figurants, à créer l'historique de ton personnage au fur et à mesure, et non pas uniquement au début. Et du coup, ça peut être une force à la table, quoi. Ouais, mais bon, justement, peut-être que aussi, voilà, comme tu disais, ils ont plus de mal justement à revenir à une table de jeu. Malheureusement, ils restent plus cantonnés à cela, pour des raisons pratiques et aussi parce qu'ils sont plus à l'aise derrière sur leur clavier qu'autour d'une table de jeu. L'argument que j'entends souvent aussi, c'est dire que bon sur clavier, tu peux mettre du temps à préparer ton RP, quoi. Voilà. Là Tandis où à la sur table, table, il il faut faut que être tu sois. plus spontané. Ouais. Et voilà, il faut improviser, quoi. Mais je pense quand même qu'on a vraiment des ponts entre les deux communautés, notamment. Mais bon, moi, cette pratique, justement, malgré tout, de l'intercession, on va dire, sur forum, mais quand même, il y a eu un travers, c'est que maintenant, je suis obligé de prévoir des vraies séances entre les séances, où donc les joueurs disent, ah là, il faut faire une séance pour gérer, on va dire. Ouais, ça Quel enrichit presque aspect. trop le jeu, quoi. Ouais. Donc en clair, on joue plus encore en fait, parce qu'eux sont plus habitués à jouer autour d'une table, par contre. Ouais, puisque les joueuses pilotent davantage, quoi. Elles font de plus de commandes au MJ, quoi. Donc on est arrivé un autre travers, c'est que on multiplie les séances de jeu autour de la table entre les scénarios. Donc, je pense que là, on a bien fait le tour de cette pratique aussi. Je voudrais enchaîner sur les jeux de rôle en corporalité. Ça veut dire quoi? C'est toutes les formes de jeux de rôle où tu vas impliquer ton corps. Tu vas jouer en réel ou en semi-réel. Donc, bon, évidemment, qu'on connaît bien, il y a les soirées enquête, le GN. Alors, c'est vrai que j'ai tendance. En fait, tout ce que je vais dire, c'est en quelque sorte, c'est du GN. Mais c'est vrai que moi, quand je dis GN, je pense au truc que tu es sur un week-end en décor naturel et compagnie, Voilà. quoi. Le semi-réel aussi, entre la soirée enquête et le GN. On a le GN nordique. Alors, le GN nordique, je dirais que c'est la façon dont je le définirais. Et je pense que je pourrais avoir plein de détracteurs, mais c'est que c'est plutôt des formats soirée enquête, c'est-à-dire sur une soirée. Mais la différence, c'est que au lieu d'être focusé sur justement mener une enquête, on est focusé sur le Plus sur les drama, ouais, sur les sur les personnages personnages, sur et la leur psychologie des interaction. personnages, quoi. Hein. Et souvent sur des sujets, on va dire, assez dérangeants, déroutants, Assez, voire. ouais, assez grave, quoi, tout à fait, ouais. Voilà. Après, bon, il y a plein de choses. Hein, bon, j'ai vu un comment. Comment j'ai vu le trailer d'un GN nordique. Comment déjà le trailer, t'avais l'impression quasiment de voir un film. Et tellement les gens étaient bien costumés, puis surtout jouaient bien entre guillemets quoi. Enfin, il y avait une émotion dans le truc quoi, et qui se passait dans un sous-marin et visiblement avec au moins une bonne vingtaine de participants participantes quoi. J'ai vu la grande manifestation l'année dernière. Bah, Quelques c'est le pays, Knockpunkt, c'est ouais. la grand-messe, si je puis dire, du GN nordique, justement, où là, ils jouaient vraiment vampire dans un ancien asile. C'était assez, pareil, assez impressionnant. Ça va Ouais, très voilà, loin, donc mais il y a vraiment un en termes travail de. sur le décor, la mise en situation, Voilà. et je pense que dans le GN nordique, il y a un peu une clause où tu es censé fournir un jeu intense, quoi. Bon, après, avec oui, tous les détracteurs qui vont dire que voilà, c'est quand même assez. On repousse pas mal de tabous, quoi, on va dire. Ouais. Mais bon, après, pour compenser, c'est quand même vraiment la scène qui réfléchit plus à tout ce qui est contrat social, atelier, tu vois, enfin préparation psychologique et sécurité psychologique, quoi. Donc Oui, ils disent, on c'est prend vrai des aussi. risques, c'est vrai qu'on prend des risques au niveau psychologique, mais on a développé plein de techniques pour se couvrir, quoi. Sinon, il y a la scène American Freeform. Alors, il y a un site, j'enverrai vers un site, vers un catalogue qui s'appelle What is American Freeform. American Freeform, c'est ce que j'appellerais, pour être plus compréhensible, le semi-réel, dans le sens où c'est moitié du jeu de rôle sur table et moitié du GN. Par exemple, The Climb de Jason Morningstar, où tu joues. Comment t'es censé jouer des alpinistes, mais en fait le seul décor c'est trois tentes et puis une lampe de poche ou je sais plus quoi, mais Oui, mais pareil, là. et en plus il me semble qu'il y a des parties, il y a une partie du jeu où vraiment qui est très GN et une partie du jeu qui est plus jeu de rôle sur table où en fait on raconte les événements sans les jouer quoi. Il y a une traduction aussi française faite par la Caravelle de la chose. C'est vrai que The c'est Climb. très intéressant. Ça fait tout pour retraduire vraiment la thématique et l'ambiance, on va dire, Voilà. d'une expédition L'idée de l'American alpiniste. Freeform, c'est qu'on va jouer des choses qui sont censées se passer soit à des époques, soit dans des décors, et on n'a pas les moyens vraiment matériels de les mettre en œuvre. Ou alors, ce serait possible, mais ça nécessiterait un gros budget, et on veut que le jeu soit dispo pour des petits budgets, et à peu de préparation. Et donc, du coup, on va juste avoir quelques accessoires minimalistes. Et aussi une mise en jeu du corps qui est minimaliste, quoi. À limite, le degré zéro, c'est je ne sais plus quel jeu de deuil, j'ai oublié le nom, où tu sais, il y a une chaise vide, et c'est la chaise du mort, en fait. Bah, ça, quelque part, c'est un élément de semi-réel, quoi. Même si c'est très symbolique, très limité, il y a comment. Manuel Bédouet qui prépare comme ça un semi-réel. Tu joues ça dans un appart. Il faut, je crois, deux ou trois pièces. Et puis notamment, il faut une bougie. Donc on joue avec la lumière, quoi, pas mal, avec le fait d'éteindre la lumière. Je crois qu'il faut une bougie. Et puis où il y a des trucs où tu joues avec un bandeau, tu vois, pour te cacher la lumière, quoi, une sorte de Colin Maillard jeu de rôle, quoi. Et pour finir, dans ces jeux en corporalité, je pense c'est bon, il y a l'airsoft scénarisé aussi, hein. Bon, c'est une forme de GN. Il y a le killer aussi. C'est vieille pratique aussi. Voilà, c'est une vieille pratique, c'est facile à mettre en œuvre. C'est comme par exemple pendant la semaine d'intégration chez des étudiants, eh bien, chacun est censé avoir un autre étudiant à tuer, quoi. Et en fait, le but du jeu, c'est de lui faire boire, je sais pas, du gazpacho, ou de lui coller un poisson d'avril dans le dos, ou de pointer sur lui un pistolet en plastique. Et si tu arrives à faire ça, ben, tu as réussi à le tuer. Et du coup, après, tu dois, comment, tu récupères la victime de celui que tu as tué, quoi. Donc tu as une nouvelle personne à tuer, puis c'est un peu sur une technique qui il peut en rester qu'un, quoi. À Voilà. gagner celui qui a réussi à remonter la chaîne du meurtre et sans se faire tuer lui-même, quoi. Alors, comment on utilise tout ça en jeu de rôle? Alors, je vais donner un je trouve un excellent exemple de comment c'est géré. Bon, ça m'oblige un peu à spoiler, mais bon, ça spoile pas de trop. C'est la revue Sombre 7, il y a donc de Johann Scipion. Il y a un scénario qui s'appelle Une nuit sans été. Excellent. Et donc, bon, j'espère que Johann me pardonnera si j'ai trop spoilé le truc, mais bon, grosso modo, ça c'est un scénario d'horreur gothique, donc ça se passe dans un manoir. Et donc, il te faut deux pièces. Et donc, tu joues. Alors, c'est vraiment du jeu de rôle sur table, hein, c'est-à-dire que on va, il y a pas de, il y a très peu de, comment, il y a pas de mise en jeu du corps. Hein, c'est le MJ qui décrit le décor et les figurants, puis les joueurs qui interagissent. Très axé sur le drama, et en plus, bon, on a vraiment un contexte particulier puisqu'on joue quand même Ah oui, remarque, des poètes si le et semi des réel est auteurs. accentué par le fait qu'il a fait ça dans ce scénario dont le nom dont je ne dois pas dire le nom aussi, qui est dans la revue numéro 2, où tu ah, remarque, si où il y a pas de PNJ en fait, donc ça accentue le côté semi réel si tu veux, quoi. Parce que du coup, comme il n'y a pas de PNJ, le roleplay, si tu veux, entre personnages, ça ressemble beaucoup plus à du roleplay réel, tu vois. Je trouve. Le simple fait de supprimer les PNJ. Et donc, bref, tu joues dans le noir et la table est éclairée avec plusieurs bougies. Et en fait, s'il y a un personnage qui s'éloigne du groupe, qui va dans une autre pièce, eh bien, le joueur sort de la pièce principale avec une bougie. Et le MJ va le voir pour faire des apartés. Et en fait, le MJ peut souffler sa bougie s'il y a un effet de ténèbres, tu vois. Donc, sur ton claque, tu te retrouves dans le noir. Tac, il y avait un autre aspect de semi-réel qui était bien trouvé. Bah si, bon, il y a un autre aspect semi-réel, enfin il utilise ça dans toutes ses parties, mais c'est ce qu'il appelle le jump scare. C'est-à-dire qu'il va crier, le MJ va crier pour faire peur à une joueuse. Alors, ça correspond à quelque chose qui se passe dans la fiction, si tu veux. Mais c'est quand même un effet de semi-réel, quoi. Je pense que dans une campagne de jeu de rôle tradit, tu peux amener plein de moments avec des accessoires, avec de la corporalité. Je sais pas, poser un pistolet en plastique sur la table. Bon, c'est assez souvent, hein. Moi je sais que voilà, on va dire des props, hein, comme on dit, des accessoires sur la table de jeu pour appuyer l'ambiance. Moi je me Ouais. souviens par exemple d'une partie de Harry Potter où ben, voilà, on avait des répliques de baguettes magiques sur la table, des objets qui, voilà, qui se rapprochent à Ça peut l'œuvre. servir à gérer l'initiative, par exemple. Tac, tu veux agir, hop, tu sors ta baguette, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect facile à utiliser dans le jeu de rôle traditionnel. Ouais, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le côté corporalité, semi-GN. Non, parce que c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, on pourrait presque faire un sujet à part. Mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment le truc, par exemple, moi j'ai vu des moments où tu as deux joueurs qui se prennent dans leurs bras, tu vois, parce que les personnages se prennent dans les bras. C'est fort, quoi. C'est dès que tu rajoutes un peu de corporalité, ou même ne serait-ce que mimer son personnage de temps en temps, ça rajoute quelque chose, quoi. Bon, après, il y a la question de l'excès. Moi, j'ai une fois, quand j'étais en club, il y avait la table qui jouait à côté de nous. Il y avait un joueur, à chaque fois que son personnage attaquait, en fait, il sautait sur sa chaise, il faisait le geste de brandir une épée, puis il se mettait à pousser un cri de guerre, quoi. C'était un peu lourd pour la table à côté, quoi. C'est sûr que Ah, mais il était dans son truc, lui, hein. assurément. Assez proche, on a les escape games. Les escape games, je renverrai, il y a un podcast Ludologie qui en parle très bien. Une Bon, mode. C'est vraiment une mode. Il monte là, ouais. Ah oui. Ah. Pour faire simple, un escape game, c'est quoi? C'est un peu comme un jeu comment? De prison point and click là, ce qu'on appelait les escape rooms, là, les jeux point and click où tu dois fouiller une pièce pour réussir à en sortir, quoi. Voilà. Mais en réel, quoi. Et donc tu dois trouver des codes, tu dois trouver des clés, et ainsi de suite. Il y a des cadenas à ouvrir, il y a tout un tas d'énigmes. Alors après, maintenant il y a une grande variété, hein. Les codes et les cadenas, c'est un petit peu le béaba, mais il y a plein de Il peut y avoir plein mécanismes. d'artifices technologiques qui s'y rapportent, Alors même, je des pense que même qu'il peut, enregistrements il peut audio. même y avoir un petit peu de roleplay, hein, je crois que des certaines escape games, tu peux un peu roleplayer avec un figurant. Il y a beaucoup de fouilles aussi, hein. Tu peux trouver des portes secrètes, des fois juste en fouillant, tu te rends compte que telle cloison, tu peux la décaler, quoi. Voilà, c'est un grand classique et c'est vrai que vraiment un phénomène, on va dire, ludique, très en vogue de nos jours. Alors, je me suis noté comment je me suis noté CF Phénomène Unlock. Mais en fait, C'est moi qui l'ai rajouté. Ah, ok. Bah, explique-moi parce que je voyais pas du tout à quoi ça faisait référence. En fait, c'est un jeu de plateau, on va dire récent. Justement, cherche à émuler, on va dire, l'escape game, l'escape room, le système des escape games sur table. Donc, voilà. Donc, le but, c'est sans avoir besoin, on va dire, d'aller dans un lieu où il y a un véritable escape game, de le refaire à sa table de jeu avec ses amis pour, on va dire, un prix tout à fait honnête quand on compare, on va dire, par rapport au prix d'un véritable escape game. Donc, tout est émulé à travers des cartes, en fait, tout simplement, hein. Un jeu de cartes qu'on va retourner petit à petit, qui vont nous donner donc des indices, pareil, des énigmes à résoudre, des casse-têtes. Voilà. Et c'est Ah, vrai sympa. que j'ai testé le week-end dernier et franchement, fou là là, c'est quand même assez prise de tête, hein. Ouais. Ah oui, c'est chaud, hein. Ceux qu'on fait en place, enfin qu'on écrit les scénarios, voilà quoi, c'est des gens assez retors, on va dire. Bon, il y a Ce qui est vraiment bien dans des. les escape games, je trouve, c'est que tu as cette notion de chrono. C'est-à-dire souvent tu as 1 heure pour sortir de la pièce. Voilà, c'est ça, ben là c'est Et en pareil. fait, après tu vas faire du scoring dans le sens où on va dire que le groupe de base, un petit peu débutant, un petit peu faible, il y a quand même de bonnes chances de sortir avant la fin de l'heure, quoi. Mais Oui. en fait, l'objectif pour le gros gamer, en fait, c'est de sortir, Le plus vite de possible. sortir en une demi-heure, tu vois, au lieu d'une heure, ou alors de sortir en ayant débloqué aussi toutes les comment toutes les énigmes secondaires, quoi. Hein, tu vois. Voilà. Donc du coup, ça permet finalement que tous les niveaux de joueuses trouvent un peu leur plaisir, quoi. Ah, le côté L'objectif temps principal, il est atteignable dans le temps imparti. Et puis après, les hardcore gamers, ils vont chercher le scoring, quoi. Voilà, bah là, en fait, c'est géré par une application que tu peux télécharger sur ton portable. Donc, ça te donne à la fois le temps de jeu, ça te donne aussi la possibilité d'avoir des indices, ça gère les pénalités si jamais, on va dire, tu fais une mauvaise action dans le jeu. Donc, ça va te retirer des minutes sur ton le temps que tu avais pour essayer de résoudre l'énigme et de sortir. Voilà. Et franchement, c'est très très bien fichu. C'est quand même, c'est français, donc on peut en être fier. Et c'est vraiment, à ce sujet, je voudrais, ça me fait penser à un jeu complètement dément. Malheureusement, j'ai oublié le nom. Enfin, grosso modo, c'est un truc autour de la bombe. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est un jeu où on joue des démineurs. Et en fait, si tu veux, il y a un joueur qui est face à un écran d'ordinateur qui lui montre une valise piégée. Donc, c'est une valise qui est censée contenir une bombe. Et il y a tout un tas de fils, de boutons, de codes sur la valise. Et donc lui, la capacité qu'il a, c'est faire tourner la valise dans tous les sens, décrire la valise aux autres joueuses. Pour imaginer, tu as le démineur, il est sur le terrain, puis c'est les autres, ils sont sur le terminal, enfin ils sont loin là, ils sont loin, et puis tu as les autres joueurs au micro en fait, tout simplement quoi. Donc tu décris la valise, et puis du coup le joueur qui est sur l'ordinateur, il peut aussi actionner la valise, c'est-à-dire essayer de taper un code, essayer de couper un fil, ceci cela. Et en fait, les joueuses qui ne voient pas l'écran, elles ont accès au manuel de déminage. Donc, il y a un texte qu'il faut, c'est un PDF que tu dois imprimer. Donc, elles ont un manuel livre, quoi. Mmh. Et donc, en fonction de ce qu'il y a sur la bombe, si c'est des fils rouges, si c'est un code, si c'est un signal lumineux, eh bien, elles ont accès à la marche à suivre. Elles vont dire, OK, alors, t'as des fils, dis-moi l'emplacement des fils, les couleurs. Ah, OK, bon, bah, c'est ça. Bon, en fait, il faut que tu coupes d'abord le fil bleu, ensuite le fil vert. Il y en a un qui est trop rigolo, c'est, t'as un signal lumineux ponctuel, et en fait ça fait c'est du morse, et donc il faut que le joueur démineur il arrive à dire avec précision, bah en fait là j'ai deux courts trois longs, tu vois, pour que les joueuses disent, ah, ok, deux courts trois longs, ça veut dire qu'il faut que tu tapes tel code. Évidemment, si on communique mal, si les deux équipes communiquent mal, eh ben le démineur soit va pas réussir à déminer la bombe dans le temps imparti, soit il va carrément la déclencher en faisant la mauvaise manip, quoi. Ça, c'est vraiment addictif. Ouais, il y a un côté un petit peu semi-réel aussi. Est-ce qu'on interagit avec des objets concrets Oui, voilà, ouais. En plus, bon, y a une grande rejouabilité parce qu'en fait, la bombe, elle est générée, la valise, elle est générée aléatoirement. Mmh. Donc, en théorie, tu peux rejouer à l'infini, et en fait, à chaque nouvelle valise, la difficulté augmente. Je regrette vraiment d'avoir oublié le nom du jeu. Ça ne dit rien en plus, mais c'est vrai que le concept a l'air intéressant. Ouais. Alors, comment on peut utiliser ça en jeu de rôle sur table? Bah, je pense que déjà, tout bêtement, ça paraît assez facile de se dire, on va juste récupérer une petite énigme ou deux, quoi. Voilà. Hein, c'est dans si t'aimes bien balancer une énigme à tes joueuses de temps en temps. Ou pourquoi pas se dire, bon, bah, on va faire un inter-scénario carrément, faire une mini escape game, dire, ah bah là, vous arrivez dans la pièce du donjon. La pièce se referme sur vous, vous arrivez dans l'auberge maudite, je sais pas quoi, et puis bon, bah, le temps d'une séance, on va faire une mini escape game, quoi. Et quelques modules comme ça de Donjons et Dragons qui proposaient des dessins assez réalistes de pièces de donjons, justement, avec des pièges et des énigmes à résoudre. Ok, ouais. Là, je parle de le faire carrément en réel, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est un budget, mais je pense que ça peut être un moment assez inoubliable. Ça demande beaucoup de préparation. Ouais, c'est ça. C'est un gros taf, hein, faire une escape game, il faut le savoir. Mais comme tu dis, il y a des solutions. Le fait d'utiliser le jeu de plateau dont tu nous as parlé, le fait d'utiliser le jeu du dé mineur, par exemple, je pense que ça, tu nous reprends une partie de Cops, ça peut être rigolo d'utiliser ça, quoi. C'est, ouais, voilà, c'est moindre coût, mais je pense que le jeu peut être réutilisé assez facilement, oui. Et on arrive à notre dernière partie, mais ça risque d'être un gros morceau. C'est ce que j'appelle le jeu de rôle sur plateau. Autre jeu de C'est-à-dire. société s'y apparentant. Ouais, voilà. C'est-à-dire toutes les formes de jeux de société, effectivement, qui ont un petit côté jeu de rôle, quoi. Alors, des gens comme Greg Pogorzelski, par exemple, affirment haut et fort que il était une fois où Loup-garou tire sur lui sont du jeu de rôle. Bon, l'idée n'est pas d'en débattre. En tout cas, c'est sûr que c'est pas la tradition, quoi. C'est pas du jeu de rôle sur table traditionnel. Je voulais commencer avec tous les jeux, on va dire, de dungeon crawling sur plateau, quoi. Donc, moi, je parlais d'HeroQuest et Warhammer Quest, hein. Oui. On a Descent. Oui, voilà, qui est HeroQuest modernisé. Qui a quand même qu'on est, ouais, qui a connu deux éditions tout de même. Avec beaucoup de suppléments d'ailleurs pour la deuxième. Ouais, j'ai trouvé Descent très très très tactique, plus que Warhammer Quest, dans le sens où Warhammer Quest, bon, c'est quand même beaucoup de jeux de dés, quoi. Hein. C'est-à-dire que la baston dans Warhammer Quest, bon, il s'agit surtout d'avoir du bol au dé, quoi. Hein. C'est développer des stratégies, surtout quand tu es niveau 1. Tandis que dans Descent, c'est vraiment, il faut réfléchir, mais chaque placement de Voilà, personnage, c'est. tu optimises aussi. Ce qui est marrant, t'as un téléporteur qui permet de te retourner en ville, rééquiper ton personnage et faire passer le niveau, ceci, cela. Et donc du coup, tu gères, en fait, tu vas charger contre les monstres, au milieu du combat, tu vas te barrer, retourner dans le téléporteur. C'est très, ouais, c'est très micro-tactique. Mais pour le coup, j'ai eu des difficultés à trouver des joueurs prêts à y jouer parce qu'il faut vraiment avoir une grosse sensibilité wargame, quoi. Un jeu de figurines plus parce que voilà, le wargame c'est Ouais. encore un Ouais, quelque chose de plus, je pense, de plus, ouais, qui demande plus encore d'implication et de passion, quoi, parce que la Dicen, Ouais. voilà, c'est Jeu de figurines, ouais. Ouais. un jeu de figurines qui est dans un univers, voilà, qui est beaucoup plus parle beaucoup plus que le wargame classique où là c'est vraiment des fans d'histoire qui vont s'y reconnaître. Bah, fan d'histoire, bon, Warhammer 40 000, c'est pas trop besoin d'être fan d'histoire. Je parle pour le wargame classique. Hein. Ouais. Toi, Mais à la rigueur, dans les jeux de rôle sur plateau, on pourrait. Alors, je pense pas à Descent. Hein. Descent, je vois pas du tout voir émerger du roleplay dans Descent, ça me paraît pas possible. Autant dans HeroQuest ou Warhammer Quest, ça me paraît très, très émergent. Dans HeroQuest, je veux dire pourquoi? C'est parce qu'en fait, les règles de HeroQuest sont tellement simples, c'est même minimaliste, hein, que bah, je trouve que assez rapidement, ça donne envie de faire du roleplay, d'arrêter de mettre en plus des monstres purement monstrueux, de mettre des PNJ avec qui tu peux discuter, tout ça. Il y avait comment et puis il y avait le côté quand même, il y avait des nouvelles d'ambiance, des choses comme ça, et ça donnait effectivement l'envie d'installer une ambiance. Moi, je sais que ma pratique des HeroQuest, ça a très vite dérivé vers ça, quoi. C'est-à-dire que à la fin, c'était, on va dire, 60% porte-monstre trésor, et puis 40% roleplay intrigue. Sachant que ouais, son Mais du coup, c'était je jouais avec mes propres quêtes, hein, parce que c'est vrai que les quêtes, quand même, les quêtes fournies dans les bouquins, c'était plutôt quasiment 100% porte-monstre trésor, quoi. voilà, mais la possibilité de faire facilement les tiennes au plan vierge qui était proposé à la fin du Ah livre. ouais, le plan vierge, je trouve que c'est le truc le plus émancipateur que j'ai jamais vu, tout bêtement. Ils disent, bah, maintenant vous êtes les chefs, faites vos propres quêtes, quoi. Voilà. Mais il y avait même un module hein, qui permettait de faire ses propres quêtes avec des planches de stickers, justement. Ah, ok, ouais. Et ouais, comme je disais, le successeur, justement, par rapport à ce que tu dis sur le roleplay émergent, ce genre de jeu, Mice and Mystics, qui est vraiment excellent. Et là, c'est purement et simplement des héros, en fait, qui ont été des héros d'un royaume fantastique, qui ont été transformés en souris. Et qui doivent justement sauver leur roi d'une vilaine reine sorcière. Et donc, ils ont carrément une quête scénarisée hein, avec plusieurs épisodes. Donc, bah voilà, le premier, ils doivent échapper. Enfin, ils doivent, comment dire, sortir de la cuisine, aller dehors, échapper au corbeau. Le deuxième, ils doivent échapper au chat de la maison, qui est le vilain chat, etc. Et c'est vraiment très très intéressant et à chaque fois il y a une partie comment dire narrative vraiment ambiance conte et qui est vraiment très très intéressante avec pareil un système de jeu qui est vraiment très simple où on peut interagir justement aussi avec des objets qui sont représentés donc par des pions en carton. Franchement le jeu est super, c'est vraiment génial. Là on est vraiment à la limite quoi, c'est vraiment un pont entre le jeu de et le jeu de rôle. Ouais, je pensais alors à Cluedo. Bon, alors évidemment, Cluedo, tu te dis, putain, le côté plateau, il est minimaliste. C'est juste, effectivement, tu te déplaces dans des pièces pour aller voir si Colonel Moutarde n'aurait pas tué dans la bibliothèque. Bon, on est d'accord que c'est vraiment degré zéro. Enfin, Ouais, du c'est rôle, enfin du fait de quoi. jouer un rôle. Ouais, tout à fait, hein. Puis même le déplacement dans la map. Ça aurait été un jeu de loi, c'était pareil en fait. Tu vois, enfin, je sais pas si tu vois ce que C'est un prétexte pour faire tes hypothèses. je veux dire. Ouais. Voilà, c'est juste que effectivement, s'il y a certaines pièces qui sont plus longues à atteindre que d'autres, et donc tu peux pas le formuler tout de suite, quoi. Voilà. Mais ça donne en fait, c'est quelque chose que je pense, à rigueur, c'est quelque chose qui peut donner envie de se dire, d'aller vers sur du jeu de rôle, quoi. Dire, ah, tiens, on voit ce plan, ce plan du manoir, et ça peut donner envie, effectivement, d'aller plus loin, quoi. Et du coup, ce qui va beaucoup plus loin, justement, c'est les fameuses demeures de l'épouvante, hein, Excellent jeu aussi, voilà. qui est en quelque sorte une émulation. Ah oui, Parce c'est. que je pense que c'est une émulation de l'appel de Cthulhu en jeu de plateau, C'est hein, je Cthulhu en pense qu'on jeu de peut plateau, carrément dire ça. extrêmement, ouais. Hein. Je crois que Chaosium est complètement impliqué dans le truc. Hein. Ouais, c'est Fantasy Flight Game qui fait le jeu, mais bon, voilà, le jeu de rôle Toute est très, façon, très on voit, respecté. ça reprend tous les codes graphiques de l'appel de Cthulhu, je dis pas de Lovecraft, de l'appel de Cthulhu, quoi. Ne Voilà, serait-ce que du dans les jeu, ouais. lettrages, tout ça. Hein. Donc je pense qu'il y a. Bon, ils ont bossé avec Chaosium, à mon avis, ils doivent payer une licence à Chaosium. J'ai joué une fois aux Demeures de l'Épouvante et je me suis dit, bah en fait, si tu veux jouer un scénario classique de l'appel de Cthulhu, enfin tout ce qui est scénario maison hantée en tout cas. Bah, tu t'enquiquines pas, tu sors les demeures de l'épouvante et puis tu passes un super moment. T'as vraiment en termes de game feel, c'est ultra proche d'un scénar de Cthulhu maison hantée, Le quoi. MJ, voilà, entre guillemets, a des actions pour vraiment prendre les joueurs eux-mêmes, voilà, Alors, vraiment éventuellement, si. réfléchir. Ouais, parce que en plus, il me semble que les maisons hantées, il y a un petit côté random, mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses de préparer, donc il y a quand même une cohérence, quoi. Scripté au niveau, quand même, bah, déjà du thème, enfin, Ouais. des ennemis. Et aussi, on va dire des énigmes, parce qu'il y a des petites énigmes à résoudre qui sont Ouais. Donc, du coup, des casse-têtes. t'as la même sensation de cohérence que dans un scénario de jeu de rôle sur table, quoi. Voilà. Bon, après, il me semble quand même, des fois, il y a des cartes un peu random. Ben, je dirais, il y a un moment, quand tu as 6 créatures du mythe qui ne sont pas du tout censées cohabiter et qui pop comme ça dans la demeure, tu te dis, ouais, bon, ça fait un Normalement, peu bizarre, quoi. le scénario prévoit quand même que ce soit assez cohérent au niveau de. Comme il y a une thématique forte au départ, parce que voilà, il y a même une histoire dans laquelle on va se plonger, et qui après va être, oui, ça va rester quand même un jeu de figurines avec. Mais Après, sur cette notion de cohérence, effectivement, les demeures de l'épouvante sont plus solides que Horreur à Arkham. Ou dans Horreur à Arkham, de toute façon, il y a vraiment ça, le melting pot du mythe. Voilà, la ville est envahie par tout un tas de créatures qui n'ont rien à voir entre elles, quoi. Tu peux te faire attaquer par un Ctonien dans telle rue, tu vas te Oui, réfugier là, dans mais une bon, autre, et puis tu tombes sur un là, profond, quoi. on émule le genre encore plus, puisque bah, voilà, le but, c'est de fermer des portails pour éviter que le grand ancien qu'on aura choisi au départ, l'ennemi en quelque sorte de la partie, ne se réveille à l'issue. Donc voilà, on reste quand même dans le genre. Mais Voilà. ce que j'avais aimé dans, enfin, ce qui rapproche Horreur Arkham, parce que bon, Horreur Arkham quand même s'éloignait pas mal du jeu de rôle par rapport aux demeures d'épouvante, quoi. Mais ce que j'avais aimé, c'est qu'il y avait des cartes événements où tu sais on te lit un texte d'ambiance et il y a un choix à faire. Oui. Petit côté un petit peu jeu dont vous êtes le héros, quoi, par moment, quoi. Donc il y a une ambiance. Je pense que c'est des jeux, il faudrait pas grand-chose. Un petit peu roleplayer des interactions entre persos. Bon, après, c'est un peu spécial parce que si tu dis, ouais, viens m'aider à fermer le portail, les personnages, ils sont à l'autre bout de la ville, ils sont pas censés communiquer. Bah, Tu peux généralement, ils sont. enfermer dans la dimension des contrées du rêve, il parle aux autres alors que son personnage n'est pas là. Voilà, oui. Mais bon, c'est censé être un jeu coopératif quand même, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je pense, bah, il faudrait pas grand-chose. Déjà, à mon avis, ne serait-ce qu'y jouer avec, tu vois, le bon éclairage tamisé, la musique d'ambiance, tout ça. Bah, franchement, pour un MJ qui a pas envie de se préparer un scénario de l'appel de Toulouse qui font quand même des fois 30-40 pages. Enfin, moi, ça m'est quand même arrivé de laisser tomber l'idée de faire une partie parce que j'avais pas eu le temps de lire le scénar, quoi. C'est assez exigeant en termes de scénario, quoi qu'on en dise. Bon, après, Si t'es Horreur Arkham, tu capable passes 2 heures à monter le plateau. de oh non, quand même pas. C'est juste que voilà, les règles, faut comprendre dès le départ, on va dire. En plus, si tu utilises des extensions, là où j'ai testé, moi, c'est Horreur Pour que Arkham. Horreur Arkham tourne, en fait, pour moi, il faut au moins un joueur expert qui connaît vraiment bien les règles et qui va animer la partie, voire même sans jouer de personnage, quoi. Du coup, en fait, on avait un joueur MJ, quoi, en quelque sorte, quoi. Il jouait pas, il se contentait de faire rouler le jeu, quoi. Comment dire, la déclinaison en jeu de cartes d'Horreur Arkham que j'ai testé il n'y a pas très très longtemps. Vraiment très très bien, et il y a moins de matériel à gérer. Horreur Arkham, le jeu de plateau. Et là, bon, tu as juste à construire ton jeu, mais bon, il propose dans les règles un jeu tout construit avec les cartes que tu as de base dans la boîte. Et voilà, et franchement, c'est pas mal non plus. Et au niveau ambiance, c'est bien fichu parce qu'en plus, il y a un décompte, hein, il y a comment dire, un nombre de tours toujours limité pour faire telle ou telle action. Et l'intrigue progresse si jamais on ne progresse pas assez vite, avec évidemment la difficulté qui augmente, etc. Et là où c'est mieux géré, comme tu disais à propos des créatures, on choisit en fait les cartes, on va dire, des adversaires. On vous dit dans tel scénario, vous mettez les ghouls et on va dire les Ouais, profondeurs. du coup, il y a une cohérence un peu, quoi. Là, il y a une cohérence un peu plus. Mais alors, j'allais venir à la rigueur. Comment on pourrait récupérer ça dans JDR tradi? Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec notamment cette idée de jouer un peu gonzo, s'en foutre de la cohérence, tu vois. Ça permettrait de jouer sans préparation en disant, bah, juste. Voire même, tu vois, pourquoi pas carrément utiliser le plateau d'Horreur Arkham ou les heures des demeures de l'épouvante comme support à une partie, quoi. Et, Facile, mais en surtout. apportant plus d'émergence, plus de roleplay, en permettant, en fait, tout simplement, parce que dans ces jeux de plateau, on va dire que en tant que joueuse, tu as un panel d'action qui est limité. tu peux pas faire n'importe quelle action, tu peux faire que certaines actions qui sont techniquées par le jeu, quoi. Voilà. Et donc tu pourrais roleplayer ça en fait en bah, tout simplement les actions qui sont pas prévues par le jeu, bah, c'est le MJ qui les gère, quoi. Quitte à aller sortir les règles de l'appel de Cthulhu pour les gérer, quoi. Les demeures d'épouvante, dans la mesure où chaque maison c'est pièce par pièce modulaire, c'est clair que c'est facile de faire le plan, on va dire, de la maison du fin du scénario. Avoir par exemple un jeu de cartes pour des monstres, avoir des jeux de cartes événements aussi. Ou des jeux de cartes, donjons, comme dans Warhammer Quest. Dans Warhammer Quest, ton donjon, c'est un jeu de cartes. Tu as une carte, une pièce par carte, quoi. Et donc, tu montes le donjon comme ça. Bon, en théorie, tu tires les cartes, tu montes le donjon, et après, tu utilises des vraies pièces cartonnées, quoi. Voilà. Tu pourrais te contenter du jeu de cartes, hein, en fait. Ça, ce serait des aides de jeu très intéressantes pour du JDR tradi. Ah, c'est complètement utilisable. Ouais, et ça pourrait éventuellement remplacer les tables aléatoires, quoi. Tu voulais nous parler de la Fureur de Dracula et Shadowrun Crossfire. Ça c'était des exemples que j'avais rajoutés un petit peu décliné. C'est un peu les mêmes gameplay en fait. Oui, bah en fait, la Fureur de Dracula, c'est un jeu de plateau qui propose de poursuivre Dracula à travers l'Europe, essayer de trouver où il se cache. Et donc, il y a quatre joueurs, c'est-à-dire quatre chasseurs de vampires. Donc, c'est vraiment, on refait le film, on refait le roman quoi, d'une certaine manière. Okay. Et on joue les personnages principaux du roman. Donc, on joue Van Helsing, Emina Harker, etc. Okay. Ils recherchent Dracula. Et Dracula, lui, il a son plan à exécuter. Et donc, il crée des vampires à chaque étape secrète, évidemment, où il passe dans chaque ville. Et plus, évidemment, il aura créé de vampires, il aura semé la terreur. Et plus, à partir d'un certain moment, Dracula a gagné. Désolé, il n'avait pas été assez rapide. Et ça se joue Shadowrun Crossfire, du coup, c'est Shadowrun, le jeu de plateau. C'est Shadowrun en jeu de cartes. En fait, chacun va jouer un personnage classique de Shadowrun. Donc, le hacker, le samouraï des rues, le mage, etc. Ouais. Il va constituer son jeu de cartes en achetant après c'est un deck building, hein, donc il va acheter des équipements. Il va devoir combattre des adversaires qui vont être proposés par le jeu. Avec évidemment une difficulté croissante. Il va au départ, il y a un deck de rencontre, hein, de la même manière. Donc, également, c'est pour ça qu'on pourrait le réutiliser aussi. De même manière, parce que y a toutes les illustrations de toute façon sont issues du jeu, donc chaque équipement est représenté par une carte. Donc, de la même manière, c'est réutilisable pour illustrer ou pour justement dire t'as fouillé dans une pièce, t'as trouvé tel équipement, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment des outils. Et ne serait-ce que tu vois la création de perso en jeu de rôle tradi, la création de perso sous forme de deck building. Je pense qu'il y a un truc à faire, quoi. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être un. Je crois qu'il y a déjà des. Je pense que ça rendrait le truc plus plus sympa, en fait. Il y a un jeu de rôle, je crois, de assez récent. C'est la création de. Ouais. Je pense qu'il y a un avec. Parce que le deck building, en fait, ça reste très varié les possibilités, mais en fait, tu as moins d'options dans le sens où. Parce que tu vois, Shadowrun, quand tu montes ton perso, le pire moment, c'est quand même le moment de l'équipement. Parce qu'en fait, tu dois aller chercher dans des listes hyper longues, tu as une espèce d'hyper choix, en fait, devant toi. Et du coup, le temps, tu passes un temps fou à peser tes options, puis tu regrettes toujours, j'aurais peut-être dû plutôt prendre les lunettes d'infrarouge plutôt que les réflexes câblés, machin. Et tandis que là, on va réduire tes options. En fait, tu pioches genre 4 cartes et tu peux en acheter que 2. Et donc, tu as quand même le plaisir de choisir, de customiser. Mais t'as plus cet hyper choix qui rend la chose vraiment très longue et un peu compliquée, quoi. Puis en plus c'est vrai que c'est le bon pour des joueuses qui sont visuelles, c'est quand même, enfin voilà, si t'as une intelligence visuelle plutôt qu'une intelligence écrite ou chiffrée, tu vas beaucoup mieux t'en sortir avec un deck, hein. Y a un jeu de rôle récent qui avait été présenté sur Rollis TV qui utilisait justement beaucoup de matériel pour créer son perso. En fait, le personnage, il n'y avait pas de feuille de personnage. Enfin, comment dire, une feuille, enfin, une plaque en carton sur laquelle on ajoutait justement ses compétences, son équipement, forme, on va dire, de jetons, quoi. Je sais pour trouver son nom, c'était il n'y a pas très très longtemps. Ça Bon, remonte à je sais que je suis une quiche pour concevoir des jeux de cartes, hein. Enfin, j'en ai fait qu'un, mais donc Face, ouais. Face. Ouais. Face. Je pense qu'il y a vraiment un, ouais, il y en aurait vraiment un truc à leur piquer. Bon, après, ça nécessite l'application, enfin, l'achat d'un jeu de cartes. Mais bon, quand on voit les sommes que les gens sont prêts à mettre en crowdfunding, C'est pas. un jeu de cartes vraiment bien pensé pour remplacer la feuille de personnage, c'est-à-dire, il faut pas juste plaquer des règles de création de personnages habituelles et les mettre en jeu de cartes en disant, bah, plutôt tes avantages, désavantages, tu les matérialises par une carte plutôt que de les écrire. Faut vraiment Ouais. avoir une mécanique de deck building, quoi. C'est quelque chose qui avait déjà été expérimenté pour la troisième édition de Warhammer. Je sais parce que Ok, j'y ouais. joue en ce moment. Et c'est clair que toutes les compétences, les attributs, les capacités spéciales, les talents, sont présentés justement par des cartes. Il y a des c'est on va dire une feuille enfin oui, un morceau de carton qui présente en fait la carrière du personnage. Et auquel on ajoute justement des cartes qu'on va pouvoir utiliser en jeu et qui permettent de faire des actions. Et Ouais. vraiment mélanger le jeu de plateau et le jeu de rôle, savoir que voilà, ça avait été assez décrié quand même à l'époque, Warhammer, la troisième édition, hein. Et Ouais, ça a c'est dû marrant parce que faire je pense qu'aujourd'hui ça marcherait bien en fait. dans l'univers rôliste, en tout cas à l'époque, ça avait été un peu trop avant-gardiste, un peu trop Ouais, novateur parce que et. aujourd'hui dans avec la culture crowdfunding, goodies, tout ça. Oui. Je pense que les prochaines initiatives qui iront dans ce sens auront du succès. Hein. Déjà, la Face, je crois qu'ils avaient, ils ont sauté le pas. Et puis, je pense que honnêtement, pour ramener un nouveau public, ça pourrait bien marcher en fait. Parce que si tu veux, le petit souci qu'on a. Jouant en convention, alors moi surtout qui joue de façon abstraite, des fois il n'y a même rien sur la table, voire même je peux jouer sans table moi. Hein. C'est vrai que visuellement on n'est pas hyper attractif. Hein. Oui, c'est agréable de jouer juste dans un canapé. Oui, bien sûr. Bon, en plus moi je suis minimaliste, je déteste les objets, tout ça. Hein, donc, mais je peux tout à fait comprendre l'attrait qu'on peut avoir pour le visuel. Et je pense qu'en salon, des gens qui verraient les gens jouer au jeu de rôle avec pas mal de cartes à jouer, tout ça, de Matériel. pions, ouais, de matériel, ça pourrait avoir un attrait, quoi. Et je Ça parle peut pas du marcher. Velleda tout pourri avec tes figurines issues de quatre jeux de figues différents, hein. A de l'attrait beaucoup, ça je suis d'accord. C'est clair que le matériel, ça va tout de suite attirer l'œil, ça va intéresser, on va dire, mais ça va intéresser, on va dire, des non-rôlistes. Si, des rôlistes quand même aussi, mais il faut voir que le matériel, ça a son revers aussi. Hein. Je le vois puisque là, je suis encore à tester Warhammer 3. Lourd, lourd à gérer. Hein. Moi, je C'est vois. lourd, et je pense qu'aussi que structurellement, ça doit forcément limiter le jeu, quoi. Dans le sens où il y a un moment où en fait t'es dans tes aventures, t'es limité parce que le matériel permet, quoi. Par exemple, ouais, voire C'est-à-dire, encore plus. si t'as, voilà, vraiment, ton nombre de maps, il est limité, ton nombre de monstres, il est limité, et tout, enfin, tout est limité par le matériel, quoi. C'est surtout que dans le système, voilà, tu as un certain nombre d'actions de base. Donc voilà, c'est les actions de base de chaque joueur. Pour des débutants, c'est génial. Mais pour, on va dire, des joueurs expérimentés, ils n'ont pas besoin de ça, quoi. Ils n'ont pas à se limiter à des actions de base, quoi. Dire, ouais, mais moi j'aimerais bien faire telle ou telle action, ouais, mais c'est pas couvert, comment dire, par les règles du jeu. Bon, alors après, un MJ Ouais, c'est ça. Donc, tu qui est expérimenté, il peut gérer tu très perds facilement. En émergence, quoi. Mais par contre, c'est vrai que pour. À moins de, effectivement, de cultiver une capacité, les capacités, la capacité des joueuses à penser out of the box, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est pas représenté physiquement par le matériel que tu peux pas le faire, quoi. Voilà. Ça, et ça, c'est vrai que c'est le problème. Et c'est, voilà. Ce jeu de rôle en particulier, qui était vraiment très novateur pour l'époque et qui était vraiment pas du tout bien accueilli, mais à la fois ça limiterait presque le jeu à être seulement un jeu d'initiation, quoi. On va dire très représentatif en tout cas et très facile à utiliser en effet pour des débutants, mais avec le revers mais que après encore une fois je vais revenir avec la culture crowdfunding et tout. Je pense qu'aujourd'hui on a des rôlistes qui sont prêts à dépenser je sais pas, qui sont prêts à avoir un budget par exemple de 20 euros par séance ne fait pas peur du moment qu'ils estiment qu'ils ont fait une super séance et de dire bah on vous offre un jeu avec des modules, c'est-à-dire que pour chaque tu auras une campagne et chaque scénario c'est une nouvelle boîte avec le matériel supplémentaire adapté au scénario, quoi. Et quelque part c'est le pari que prend Time Stories, quoi. Par exemple, oui. Avec même pour Unlock, hein, c'est des scénarios non réutilisables. Voilà, c'est ce qu'ils appellent, comment dire, dans l'article de Jeux de Rôle Magazine, le dernier, là, le numéro 38, les jeux irréversibles. Donc là, on fait un scénario pour une séance et on se met dans l'idée que le jeu, on ne le réutilisera pas. Mais bon, on met le prix du jeu en face de la. Jouer le nombre de joueurs qu'on va impliquer, qu'on ramène ça, comment dire, aux joueurs, on se dit, c'est complètement, on va dire, délirant, quoi. Bah oui et non, mettons, je n'importe quoi, tu dépenses 20 euros pour ta séance. Pour une séance à 5 personnes, si au lieu de ça, on était allés tous les 5 au cinéma, on aurait été pour 50 euros. Voilà. Donc après, c'est à mettre pour un certain public. C'est sûr que pour des étudiants, ça paraît délirant, mais franchement, les 25-40, ça les effraie pas. Hein. Pour des gens qui ont des habitudes, comment dire, je sais pas, de faire des escape games, de sortir, d'aller, d'aller boire. Mais pour un rôliste, lui, a une culture du livre de base qu'il va acheter et qui va lui permettre de jouer pendant des années, c'est sûr que ça coince. Voilà, mais bon, on a aussi des rôlistes qui ont une culture du gratuit. Enfin, voilà, des budgets sur Casus Snow. Il y a un moment, il y avait un topic sur les budgets rôlistes. Il y en a qui étaient faciles à 500, 1000, 500 ou 1000 euros par an. Hein. Ouais, j'en suis très très loin. Moi. C'est largement. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus de ça. On arrive quand t'es dans la collection, entre guillemets, dans un collectionniste. J'ai pas ça pour critiquer, bien sûr. Mais c'est quand le pire, c'est que finalement, parce que là, on est en train de dire, ouais, c'est rente, enfin, là, l'achat est rentabilisé par la soirée. Mais quand t'es collectionneur, en fait, t'achètes des jeux, tu y joues pas tous. Donc, en plus, tu ne rentabilises même pas, ton calcul de rentabilité, il est encore différent, quoi. Il est biaisé, mais bon, si sur les 10 jeux que tu achètes, tu en joues au moins 2, concrètement, tu peux dire que tu les rentabilises. Voilà, des jeux que je joue depuis des années, comme Vampire, Shadowrun, etc., je sais très bien que voilà, c'est largement rentabilisé. Voilà. Et on ne pense pas en plus en termes de rentabilité, quelque part. Oui, puis je pense qu'il y a un moment, quand tu es collectionneur, il y a des jeux, tu les achètes plus comme des jeux, mais plus comme des livres, quoi. C'est-à-dire que c'est juste par la lecture que tu t'estimes que tu l'as rentabilisé si tu l'as lu, quoi. Moi, j'estime même que voilà, j'achète des œuvres d'art, quoi, d'une certaine manière. De nos jours, voilà, les livres. Oui, bah, c'est pour ça qu'il faut acheter One Person, par exemple. Non, c'est trop cher. Là, vraiment, c'était trop cher. Là, j'en ai entendu parler. J'ai dit, ah ouais, il existe un jeu qui est plus cher que Labyrinthus. C'est pas possible. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que ça nous fait. Labyrinthus, excellent hybride d'ailleurs avec le jeu de plateau, quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est parce que c'est voilà, c'est l'exemple, on va dire, historique du jeu de rôle le plus cher, quoi. Ouais, Maintenant, à c'est son époque, c'était le complètement jeu le plus battu. cher du marché. Oui, Alors, rarement. Amberintus, c'est devenu. Il s'est fait ringardiser de ouf, quoi. Ah ouais, ringardisé, quoi. C'est clair que pour les prix de nos jours, oula, ça fait peur. Mais ouais, quand on parlait justement, bah, tu parlais de Stories, c'est pareil, dans le concept, au-delà donc du fait que ce soit un scénario d'une certaine manière à usage unique, un scénario quand À même qui. usage unique, là, quand même, le twist qui est que, en fait, si tu foires le scénario, tu peux le refaire parce que tu es dans une boucle temporelle. Donc, tu refais plusieurs fois le scénario jusqu'à le réussir, quoi. C'est pas qu'on le rate en fait, c'est que c'est fait de toute façon pour le refaire plusieurs fois. On peut pas le faire Ouais, en une seule fois. la première, c'est la difficulté est réglée de façon que tu peux pas y arriver du premier coup, quoi. Non, c'est impossible. Et d'ailleurs, même il y a certains scénarios qui sont réglés pour faire. En fait, tu vas faire un premier run qui va te permettre de découvrir que en fait, tu as accès, comment dire, à un deuxième paquet de cartes qui te permet de progresser dans l'intrigue. Donc, de toute façon, c'est prévu que tu le fasses pas en une seule fois. Mais les scénarios sont extrêmement variés, très intéressants et surtout présentés sous forme de cartes, de scènes qui se déroulent devant toi. En fait, le dos de la carte, c'est un morceau en fait de la pièce que tu vas visiter. Et donc, tu vas avoir, comment dire, un détail, un PNJ, etc. Et en retournant la carte, voilà, tu vas voir le PNJ ou tu vas saisir l'objet qui va te permettre, on va dire, de découvrir un indice. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, ce système de deck exploration, comme ils le disent, où donc, voilà, c'est le jeu se déroule avec les cartes qui vont s'étaler devant toi. Ça, c'est plutôt bien vu. Vraiment un point très, très intéressant de gameplay qui m'a passionné en tout cas dans Time Stories et qui fait que voilà, j'en rate pas un seul quand il sort. Mais bon, on est voilà, le fait que les scénarios soient à usage unique fait que on a plutôt tendance quand même à rassembler un groupe de joueurs crier sur le volet pour jouer le scénario à un moment précis. Mais ça, c'est un truc qu'on pourrait peut-être essayer de faire en jeu de rôle en jeu de rôle tradi. Moi, j'ai un scénar dans un vieux Casus Belli. Alors, mes chers auditeurs, si jamais Etris, si jamais vous le retrouvez, je veux bien la référence. Donc, dans Dû un vieux voir Casus Belli, justement. il y avait un scénario Feng Shui Ouais. où tu étais dans une boucle temporelle, en fait. Mmh. Il y avait une grosse baston, enfin il y avait tout un tas de méchants, et c'est clair que la première boucle, tu te fais rouler dessus, quoi, hein, et en fait il faut refaire la boucle temporelle plusieurs fois jusqu'à réussir à gagner le scénario, quoi. C'est un Mmh. peu le jour de la marmotte, mais version film d'action hongkongais, quoi. Ouais, je ferai la recherche, je te le dis, parce que tous les Cassius, je les ai à la maison, donc. Du numéro 1. Je trouve que c'était un excellent scénario. C'est un principe ouais, d'intrigue que j'ai déjà utilisé. Moi, je l'ai utilisé à l'appel de Cthulhu. La journée qui se redéroule sans arrêt jusqu'à ce que justement ils arrivent à casser la boucle. Il y C'est a un, y a un un classique. bon, y a un bon scénario sombre amateur qui s'appelle Void Spider qui fonctionne sur le même principe avec une boucle temporelle. Il y a même, comment dire, un scénario officiel hein, qui est sur une boucle temporelle aussi. Doit être dans le numéro 2 ou 3 de Sombre. Scénario SF. Je suis pas sûr en fait que. Non, non, non, non. Parce que soit tu parles de Deep Si, Space c'est le Core. scénario qui est en temps limité de 15 minutes et qui se. Ah, il Un boucle Deep alien-like. Space Core. Ah, bah, je me rappelais pas qu'il y avait une boucle temporelle, tiens. Oui, c'était une boucle temporelle. Ok. Bon. Je pense que de toute façon, dans les commentaires, vous aurez plein de trucs à nous dire. Parce que là, il y a plein de. Oh, c'est vrai qu'on passe sur plein de trucs et je pense qu'on fait deux, trois erreurs, mais bon. Ouais, tu voulais nous parler de. Colt Express, Mysterium, Dead of Winter, Zombicide. Oui, bah ça, c'est des jeux modernes qui sont, on va dire, un peu une expression de ce que le jeu de rôle peut amener au jeu de plateau et inversement. Alors, Colt Express, ben voilà, c'est comment rejouer une scène d'action de western, quoi, comme on pourrait en voir dans un jeu de rôle, c'est-à-dire l'attaque du train, mais vraiment de manière très, on va dire, avec un gameplay qui est vraiment très bien minuté, très bien vu. Mysterium, c'est voilà, c'est la séance de spiritisme, c'est on va dire le Cluedo nouvelle génération. Et donc là, on cherche le meurtrier à partir de cartes de vision. Donc le fantôme va nous envoyer des visions pour essayer de trouver qui est le meurtrier, où l'a-t-il tué, avec quel objet. Ouais, donc y a, dans Mysterium, il y a un joueur qui joue le fantôme. Oui. C'est ça, hein. Oui, tout à et, fait. De mémoire, effectivement, c'est un jeu un peu de communication, et la communication avec le fantôme est très spéciale. Ah, je sais plus exactement. C'est à travers uniquement les cartes de vision, et c'est justement le. On parlait d'outils qui étaient réutilisables, et pour moi, le deck de vision, parce que les cartes sont vraiment mais complètement barrées, surréalistes, et vraiment en tu, plus. Toi, tu peux nous donner un exemple pour qu'on visualise mieux. Oula, c'est tellement barré que bah voilà, en fait, on va avoir en fait pour il va falloir que le fantôme choisisse une carte qui se rapproche le plus de l'indice qu'il veut faire trouver, comment dire, au joueur. Ok. Et donc bah il va tirer des cartes au hasard, et parmi les cartes, il va trouver peut-être un détail sur la carte. Les cartes, elles sont très très riches. Hein. Alors, ok, ouais. Voilà, ça elles fait sont, penser un peu à Dixit en fait. Oui, oui, voilà, c'est dans l'esprit Dixit, oui. Vraiment des cartes. Ouais, donc du coup, le fantôme, il essaie de te faire passer un message, mais il va s'exprimer de façon symbolique en utilisant des images. Et en fait, complètement what the fuck. Hein. Là, franchement. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que l'artiste polonais qui a fait les cartes avait fumé ce jour-là. Donc le vodka, il a bu, mais bon, c'était quand même assez. Ah d'accord. Ouais. Donc ça, effectivement, ouais, ça peut carrément être utilisé en jeu de rôle. Ouais. Complètement. Mmh. Là, le deck de vision peut être vraiment réutilisé sans problème. Et Dead of Winter. Dead of Winter et Zombicide, même si on va dire c'est la même thématique, hein, c'est le. La thématique du zombie qui est très à la mode. En fait, c'est ouais, simplement, il y a, on sent, comment dire, Dead of Winter, on est quasiment dans le jeu de rôle. Hein. Dans la mesure où on joue deux personnages, bon, un personnage principal, un personnage secondaire, malgré tout, dès le départ. Le but, c'est de gérer une communauté face aux différentes crises en fait, qui vont arriver. Donc voilà, bah, on n'a plus de bouffe, on ne peut plus se chauffer, il faut se défendre contre les zombies, barricader notre colonie, etc. Donc vraiment ambiance, on va dire, Walking Dead à fond. Et donc, on a un scénario à jouer. Hein. Donc, à chaque fois, on nous propose une situation où en temps de tour, on doit arriver à tel objectif, sachant qu'il y a un objectif commun et des objectifs personnels avec possibilité qu'il y ait un traître, donc quelqu'un qui trahisse le groupe pour son intérêt personnel. Voilà, donc là, on est, on va dire, sur des mécaniques où donc on va devoir aller fouiller, comment dire, dans la ville. On va devoir tuer des zombies, trouver des armes. Ouais, puis le côté traître, côté coop compétitif, je trouve que ça amène beaucoup de roleplay en fait. C'est un bon prétexte à roleplay, je pense. Ben, c'est un jeu qui vraiment se rapproche vraiment beaucoup du jeu de rôle. Et un petit détail qui est justement peut-être là utilisable. C'est, il y a un deck, ce qu'on appelle le deck de la croisée des chemins, qui propose en fait des situations. À chaque tour, en fait, un personnage va être confronté à une situation inattendue où justement il y a un texte d'ambiance et un choix moral à faire. Et c'est ça qui est vraiment le plus intéressant, c'est le choix moral auquel il va être confronté. Ou donc par exemple, bah voilà, il va trouver dans la rue, je sais pas, une vieille grand-mère qui grelotte de froid, qui a faim, etc. Bah, est-ce qu'il va la ramener dans la colonie, sachant que ça va faire un poids supplémentaire à nourrir, alors qu'eux ils ont peu de nourriture, etc. Bah, est-ce qu'il va la laisser crever de froid dans la rue, ou est-ce qu'il va, comment dire, la ramener. Il peut y avoir parfois d'ailleurs des sujets vraiment très très, on va dire, durs, difficiles, on va dire, en termes moraux. Dans les cartes. Là, est-ce que je peux te laisser poursuivre un peu seul pendant 2-3 minutes là ? Oui. J'ai besoin de couper le son. Et voilà, donc je pense que tu peux continuer tout seul. Oui, oui, bah, après j'allais parler justement de Zombicide. Ah bah, je te laisse faire. Ok. Donc, ouais, voilà, pour Dead of Winter, donc, on est vraiment le plus proche du jeu de rôle à travers justement tous ces artifices de cartes. Là où Zombicide, on est plus dans un jeu de figurines plus classique où on a un scénario malgré tout, donc on a des objectifs en tant que survivant à accomplir, mais on joue malgré tout le rôle d'un personnage avec des capacités qui lui sont uniques. Et donc, c'est un jeu coopératif, hein, donc on doit également tous s'entraider. Et là, à Zombicide, on est vraiment obligé de fonctionner ensemble parce que sinon, le personnage qui se sépare, du groupe va rapidement, comment dire, apprendre à ses dépens qu'il risque la mort à tous les coins de rue, si c'est peut dire. Et donc, voilà, on est dans une logique un peu plus, par contre, là, qui se rapproche du, des mécaniques, comment dire, des jeux, comment dire, des jeux vidéo, où donc, plus on va évidemment tuer des zombies, plus on va être fort. Il va y avoir une forme de, on va dire, d'augmentation en termes d'expérience. Mais évidemment, plus on est fort, plus, on va dire, les obstacles qui vont être face à nous vont être puissants et nombreux. Donc, évidemment, y a à gérer, comment dire, le fait de progresser en groupe, de qu'il n'y ait pas de gens qui soient trop, on va dire, expérimentés par rapport à d'autres, etc. Et donc, bah, pareil, c'est des mécaniques, on va dire, qui, à la fois, apparente au jeu de rôle. Bon, on joue quand même un rôle, même si bon, il n'y a pas de RP entre guillemets, ça reste un jeu de plateau, donc le RP est très très limité. Mais malgré tout, c'est un pont, comment dire, qui est quand même assez assez important au niveau de notre plaisir en tout cas, et avec des possibilités, puisque bah, on a quand même une foultitude de matériel, donc en particulier un jeu de cartes qui permet donc de trouver de l'équipement, puisque le but va être de l'équiper le plus vite possible pour faire face à la menace. En fonction des scénarios, de trouver certains objets, en particulier si c'est un scénario qui demande à aller chercher de la nourriture pour nourrir les gens de la colonie, de trouver ce qu'il faut, de l'eau, des boîtes de conserve, etc. Voilà, on est vraiment dans des problématiques qu'on peut rencontrer après, d'ailleurs, dans des jeux de rôle sur les thèmes des zombies. Donc, il y en a plein. Hein. Il y a de nos jours, alors un plus ancien, donc c'était Z-Corp, mais bon, de nos jours, le thème du zombie, ou du moins du post-apo, revient quand même assez à la mode. Il y a Mutant Year Zero qui vient de sortir là, chez Sans Détour, en particulier. Mais voilà, on est quand même dans des jeux de société, de figurines, là, plus particulièrement, avec des thèmes qui sont en tout cas, qui font partie en tout cas de notre univers des possibles. Juste après, on avait donc Attends, je vais t'interrompre là. Oui. J'ai une petite conclusion sur ces jeux de zombies, là, des Dead of Winter, Zombicide, puis il y en a d'autres. Mmh. Je pense que du coup, ça peut servir pour jouer des scénarios intermédiaires, au contraire pour jouer un climax d'une campagne, effectivement, d'un jeu de rôle zombie. Pourquoi pas, effectivement, jouer soit l'intro de la campagne avec un de ces jeux-là, et du coup, on reprend les survivants, on les reprend en JDR après, ou alors effectivement un milieu de campagne ou vraiment la toute fin, quoi, genre. Ça y est, maintenant la base est vraiment assiégée par les zombies. Allez hop, on sort le jeu de plateau pour gérer ça. Avec toujours le risque, le problème, c'est à chaque fois qu'on glisse que là on utilise un jeu de plateau ou même si tu utilises un autre jeu de rôle, hein, si tu utilises plus, c'est le risque que les joueuses, en fait, si jamais elles perdent, elles se disent ouais, mais c'est dégueulasse parce que j'ai pas eu les mêmes armes que d'habitude, quoi. On a fait changer de gameplay, du coup mon perso chéri que j'ai joué pendant 20 séances, là il est mort parce qu'on avait changé de gameplay, quoi. Ça c'est un peu le risque. Je pense qu'à la rigueur il faut presque peut-être au début de la campagne carrément dire bon bah je vous préviens, il y a des moments où on utilisera un jeu de plateau, il faudra accepter que si votre personnage il meurt dans le jeu de plateau, il meurt aussi dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, hein, dans la campagne, quoi. C'était compris. Ouais, je sais pas à quel jeu tu voulais passer, mais il y avait les Chevaliers de la Table Ronde, sauf que je me rends compte qu'on a déjà bien brossé l'intérêt de ce type de jeu avec des jeux comme... C'est pour ça que je voulais passer au jeu de narration. Ouais. Les Chevaliers de la Table Ronde, c'est coopératif, compétitif, hein, c'est pareil, on joue les Chevaliers de la Table Ronde, il faut qu'on récupère le Graal et puis qu'on empêche tout un tas de catastrophes. Là, c'est le vieux jeu auquel tu fais référence. Il y a l'un d'entre nous qui est le félon, c'est-à-dire que lui, en fait, il bosse pour les forces des ténèbres en secret, quoi. Il est là pour faire foirer, là. Mais bon, effectivement, on a bien parlé. Les cubes en bois. Si, juste je fais un tout petit passage par les cubes en bois. Alors, a priori, il n'y a pas grand-chose dans le jeu de plateau cubes en bois récupéré dans le JDR. Mais je trouve que c'est intéressant de voir comment fonctionnent les mécaniques des jeux cubes en bois, en fait. Notamment en termes de game design, il y a des vraies leçons à retirer, en fait. On peut apprendre à fonctionner différemment en observant. Je vais donner un exemple. Quand j'ai développé Inforenza, je voulais que les personnages soient obligés de sacrifier des choses importantes pour réussir ce qu'ils voulaient entreprendre. Et avec la mécanique que j'avais, enfin qui était encore à peu presque traditionnelle, quoi, j'y arrivais pas. J'arrivais pas à arriver à ce game feel, quoi. J'ai demandé à des copains qui faisaient beaucoup de jeux de plateau, comme dans les jeux de plateau, comment c'est géré, quoi. Puis ils m'ont dit, bah, dans, je sais plus si c'était Pandémie ou un autre jeu, bah, dans tel jeu, enfin, voilà, par exemple, si tu veux construire une grosse ville, il faut que tu sacrifies tes ouvriers. C'est-à-dire qu'une petite ville, tu poses l'ouvrier, il bosse dedans. Une grosse ville, il faut que tu poses l'ouvrier, puis il meurt, quoi. Donc tu perds le cube en bois, quoi. C'est là où je suis parti de là en disant que effectivement, en fait, on pouvait prendre le risque de perdre carrément ses traits dans Inforenza. En fait, le fait du personnage, c'est des traits. Et le fait qu'on puisse perdre les traits plutôt au début, c'était juste, ils étaient altérés. C'est quelque part, c'est quelque chose qui vient du cube en bois. Le fait finalement de carrément perdre des ressources de ta feuille de personnage plutôt que juste les voir altérés. Bah c'est le système que tu décris, voilà, c'est les mécaniques du jeu de plateau classique, très connu, Civilisation, où justement Ouais, tu sacrifies civilisation, ouais. ta population pour bâtir tes cités, Voilà, tes bateaux. ça vient de civilisation, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, on a les jeux de narration qui, quelque part, flirtent quand même beaucoup avec le jeu de rôle. Donc, j'avais cité Il était une fois. Alors, Il était une fois, il y a plein de problèmes avec ce jeu. Hein. Bon, déjà, parce que c'est un jeu où on est censé raconter une belle histoire. Et on a tout un tas d'éléments narratifs qu'on pioche. Donc, genre, j'ai la grenouille, la princesse, le château, une rencontre. Et il faut que je case mes cartes dans une espèce d'histoire commune pour réussir à gagner. Bon, le problème, c'est que le côté compétitif du jeu, en fait, le fait de raconter ensemble une histoire, mais en étant en compétition, c'est clairement problématique dans le jeu. Et puis aussi, on joue pas de personnage vraiment pas du tout quoi. Il n'y a pas de notion de personnage qui est à quelqu'un quoi. Bon après, on peut dire que ton deck de cartes, c'est tes personnages quoi. La grenouille, tu l'as fait intervenir, c'est toi qui la joues. Mais bon, ça veut dire que t'as que des figurants quelque part. Puis de toute façon, la grenouille que tu as introduite, elle peut être récupérée par n'importe qui après. Ceci dit, il était une fois. Finalement, juste le deck de cartes inspiration, je pense que ça c'est très bien en fait pour inspirer un MJ ou même un joueur quoi. Si tu crées ton background de perso, bon bah tu pioches 4-5 cartes d'Il était une fois, puis tu montes un background à partir de ça quoi. Ouais, tu peux le faire aussi avec le Oui Seigneur des Ténèbres de la même manière, hein, parce que les cartes sont du même genre. Ouais, et bah Imagium du Grumph est vraiment un jeu de cartes inspiration dédié au jeu de rôle quoi. Tout à fait. J'utilise beaucoup d'ailleurs. Ça, Ça permet. si j'étais pas aussi radin, je pense que c'est exactement le truc que j'utiliserais. Bon, t'as les Story Cubes hein, dans la même idée aussi. Oui. Sont pas mal non plus un bon outil pédagogique d'une part et aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour on va dire agrémenter et simplement tu peux créer tes scénarios à partir de là hein. Ouais, ou improviser au fil de l'eau. Hein. En plus de oui pourquoi pas développer ton background en te donnant des idées moi je sais que je l'utilise en tout cas Imagium pour donner au groupe pour certains jeux, une carte qu'ils vont choisir avec une thématique qui va leur permettre en fait d'avoir un élément narratif qu'ils vont pouvoir inclure dans la partie à un moment précis pour justement résoudre un problème, une situation. Ouais, je pense qu'en fait tu peux arriver au même résultat aussi avec un tarot de Marseille. pas un tarot, tout tarot divinatoire en fait, hein, pour des éléments d'inspiration, dire la destinée de ton personnage est liée à ce tarot. Moi, j'utilisais les tarots de Marseille comme véritable divination, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait un personnage qui avait un don de cartomancie, et donc il tirait une carte, et en fait, ça prédisait. Enfin, ça donnait vraiment un aperçu de ce qui allait se passer dans le scénario. C'est-à-dire que soit je donnais une info du scénario qui était vaguement liée à la carte, soit je modifiais mon scénario de façon à ce que l'élément de la carte intervienne, quoi. Pareil, je l'ai déjà utilisé de la même manière pour ceux qui avaient des dons de cartomancie. Ouais, et du coup, dans Marche-Branche, je développe ça un petit peu plus, comme le tarot divinatoire, le tarot de Marseille est très important dans Marche-Branche. Et du coup, j'explique ça un peu en détail. Petit meurtre entre amis, je trouve que c'est une excellente école de roleplay, j'explique vite fait, hein. Donc, dans Petit meurtre entre amis, y a un meurtre. Et en fait, on est tous des personnes, tous des suspects qui sont interrogés. Et en fait, du coup, le jeu détermine, enfin, tu tires une carte pour savoir si tu es coupable ou innocent, quoi. Donc, mettons, sur 5 suspects, il y a 4 innocents et un coupable. Et en fait, les innocents, ils ont 3 mots-clés pendant leur interrogatoire, ils ont 3 mots-clés à passer. Donc, ça peut être. Bon, souvent, c'est en fonction des thèmes, c'est-à-dire que à chaque meurtre, c'est un thème différent. Genre, là, ça va être l'univers des bronzés fond du ski. Après, ça va être l'univers du harem oriental. Ensuite, ça va être l'univers de la base polaire, quoi, tu vois. Donc, les mots-clés ont un petit rapport avec le thème, quoi. Et donc, mettons qu'on a fait les bronzés fond du ski, les innocents, et dans leur interrogatoire, ils doivent placer, je sais pas, tartiflette, comment tire-fesse, et puis gros rouge qui tache, quoi, j'ai n'importe quoi. Hein, et en fait, le coupable, lui, il a 3 mots-clés à placer qui sont différents. Et en plus de ces 3 mots-clés, il faut qu'il se démerde pour placer. Les 3 mots-clés du comment les 3 mots-clés des innocents, sauf qu'il les connaît pas. Donc en fait, il faut qu'il écoute les interrogatoires des innocents pour repérer c'est quoi les mots-clés qui reviennent, quoi. Et en fait, je trouve que c'est une vraie école du roleplay parce que déjà le fait que tu dois en fait grosso modo on te pose la question, est-ce que tu as tué le coupable? Et en fait, tu es censé faire une diatribe de 3-4 minutes en expliquant que c'est que tu es innocent. Mais le fait que tu aies ces mots-clés à placer, ça t'oblige à créer un peu un personnage, parce qu'il faut que t'es censé, voilà, faut pas que les mots-clés soient trop visibles, parce que sinon le coupable va les repérer. Donc vraiment, enfin, c'est un exercice de roleplay de ouf. Et souvent, nous, on l'a vu, ça t'oblige quelque part à te créer un personnage quand tu. Bon, après, c'est peut-être parce que je joue avec des rôlistes, hein. Mais je trouve que ça t'oblige à te créer un personnage quand tu réponds à l'interrogatoire. Après, l'utilisation en JDR de petits meurtres entre amis. Ben, je sais pas trop, en fait. Je pense que ça, c'est à la rigueur, j'utiliserai en préchauffe. Hein. Tu vois? En atelier, juste avant de commencer la partie, tu passes une demi-heure sur Petit Meurtre entre amis, ça monte une ambiance, quoi. Et toi, tu m'as mis Fiasco. Bah oui, Donc, c'est clair que moi, ça m'a fait penser à ça. Quand on parle de jeu de narration, il y a Fiasco qui me vient en tête. À la fois entre le jeu de narration et le jeu à rôle aussi, un petit peu. Hein, voilà, parce qu'on dans Fiasco, donc on joue à rôle, mais on a un scénario prédéterminé. On va tirer des dés, on va dire, pour déterminer quels sont les liens entre les personnages. Après, bah, techniquement, on va développer son personnage avec, on va dire, les autres joueurs à la table qui vont passer leur on va dire à essayer de nous couvrir le plus possible. Le but, évidemment, c'est de jouer évidemment des anti-héros, des gens qui vont tout foirer et qui vont normalement, on va dire, terminer la partie encore plus mal qu'ils l'ont commencé. il y a quand même des aspects. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'OMJ dans Fiasco, et puis tu es quand même pas mal à. y a pas mal de contraintes créatives à intégrer dans ton RP. Il me semble, en plus de ça, je crois que la notion de gagner ou perdre n'est pas tellement importante. Non, bah, comme dans le jeu Mais de rôle. oui, et puis surtout que si tu joues un personnage qui perd, quoi, entre guillemets, quoi. Tu joues un personnage, plus tu es dans le thème du jeu, ça c'est. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, enfin, ça rentre dans la catégorie des jeux de rôle, quoi, plus que des jeux de société. Mais c'est vrai qu'après, le fait que suivre une contrainte créative, jouer pour perdre, jouer sans MJ, bon, je comprends que ça fasse beaucoup de choses qui nous fassent sortir de la case jeu de rôle. En tout cas, c'est On sûr qu'il y a une est dans le jeu contre-addition. de rôle classique, éminemment, malgré tout, mais il y a des Ouais. mécaniques qui peuvent être récupérées justement de cela, quoi. C'est avoir l'audace, si je puis dire, de jouer des losers, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, je me rappelle d'une partie de l'appel d'une partie de Milvaux quand je jouais sous l'appel de Toulouse, où j'avais un joueur qui m'avait engueulé parce que je lui avais donné trop de points de création. Il voulait un personnage qui soit vraiment une merde, quoi. Et donc, au final, on lui avait viré des points de création pour qu'il puisse faire le perso comme il voulait, quoi. Ah, c'est rare quand même, hein. Moi, je Ouais, me mais tu souviens. vois, il voulait jouer, tu vois, une espèce de personnage veule, louvoyant, tout ça. Et donc, s'il avait trop de compétences, il n'aurait pas pu le jouer comme il voulait, quoi. Ouais, bah, moi, j'ai failli me faire quand même taper dessus par mes joueurs hier à Warhammer parce qu'ils ont pas fait assez de bénéfices quand ils ont revendu leurs marchandises. C'est. Tes joueurs, c'est des power gamers. Pourtant, ils ont fait du bénéf quand même, hein, mais pas assez. Donc, j'ai vu leur regard assassin. Écoute, il y a une autre line, elle s'appelle SOS MJ. Tu devrais leur passer un coup de fil. Ah, ouais, je crois qu'il va falloir que j'en parle un petit peu à un psy Ouais. spécialisé. Une personne avec une voix chaude et douce va te donner de bons conseils pour t'en sortir. C'est vrai qu'il faudrait la réactiver assez souvent, cette hotline, parce qu'il doit y en avoir qui souffrent assez. Ouais, non, mais il y a de la souffrance, hein, c'est sûr. Hein. Il y a de la souffrance dans les campagnes, on n'en parle pas assez. Hein. Ouais, donc on avait 8 seigneurs des ténèbres où tu joues un gobelin qui doit expliquer à son qui doit expliquer au maître du mal pourquoi la mission a foiré et tout. Alors ça c'est marrant parce que c'est du roleplay dans le passé en fait. Tu racontes une mission qui s'est déjà passée quoi. Et cette idée de roleplay dans le passé, je pense que c'est quelque chose qui peut être récupéré en JDR tradi par moment quoi. Il y a des jeux hein, qui C'est-à-dire sont fondés là-dessus. C'est comment dire, la société. Il y a un jeu de rôle comme ça où ça a Comité été. d'exploration des mystères, peut-être? Voilà, c'est ça. Où justement on raconte son exploration lors d'un. Voilà, quand on rentre, si je puis dire, au siège de la société. Et donc on va tout raconter a posteriori sur ce qui s'est passé, quoi, et la manière dont on a géré les obstacles de l'expédition. Dans Marchebranche, j'ai testé, puis après je le propose en règle, mais donc Marchebranche est très très classique hein, sur bien des aspects. Mais notamment, en fait, tu peux de temps en temps, tu peux splitter le groupe en deux. Il y a un groupe qui vont sur une mission et tu joues la mission avec eux. Et l'autre groupe, en fait, ils font la mission, ils imaginent la mission tout seul. Et en fait, quand tu reviens sur eux, ils te racontent comment ils ont géré la mission. Je sais pas si je suis clair. Oui, bah, y a aussi un autre jeu de rôle qui me vient en tête, c'est 3-16 Carnage dans les étoiles, où on raconte aussi comment on a massacré les aliens, on fait le rapport quoi, de mission, on a été un Space Marine efficace et qu'on a tué des aliens en masse. Donc il y a Et certains jeux de rôle déjà qui sont. là-dessus, on peut greffer des gameplays qui sont intéressants parce que c'est plus c'est plus tellement la mécanique de résistance asymétrique comme on a d'habitude. Dire je vais faire quelque chose, il y a un jet de dés pour y arriver. C'est un peu différent, quoi. Des fois, le jet de dés va porter sur la nature du fait, quoi. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme tu dis, raconte un truc, puis en fait, on va jeter les dés pour savoir si ça s'est vraiment passé comme tu l'as dit. Par exemple, les Remémorants de Steve Jakubowicz hein, permet de jouer comme ça. Bon, bah, il y a Loup-garou de Tiercelieu, hein. Alors, je trouve que finalement, parmi les jeux de narration, c'est quand même celui où il y a le plus de roleplay. Même si dans Loup-garou, on roleplay un peu sur du rien, quoi. Hein. C'est-à-dire, ah, je pense que t'es le loup-garou parce que je t'ai entendu faire du bruit cette nuit. Et puis t'es louche d'abord. Bon, c'est. Il y a plein de. Il y avait Dorian Chandelier qui disait dans un podcast des cellules que ça introduisait une dynamique fasciste au sein des joueurs, quoi. Il fallait, grosso modo, t'étais récompensé pour dénoncer tes petits camarades et les prétextes les plus fallacieux étaient permis pour y arriver, quoi. Je crois qu'il y avait un grand auteur français, je ne sais plus lequel, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui avait dit justement qu'il faisait du jeu de rôle parce qu'il avait joué au Loup-garou de Cartelieu. Un auteur vraiment très connu et très apprécié, je ne sais plus lequel. Bah, c'est une bonne passerelle, je pense, hein, parce que il y a un bon travail sur l'ambiance avec la mécanique de nuit. C'est un jeu qui invite tout le monde à faire du roleplay. Enfin, franchement, moi, j'ai jamais vu personne jouer sans roleplay. Même si après, effectivement, après, c'est un roleplay très orienté, quoi. Il y a une fois, j'ai essayé de jouer à Loup-garou, Tiercelieu, en roleplayant mon paysan, puis en parlant de sa vie quotidienne, tout ça. Mais en fait, ça sert tellement à rien que tu le fais 5 minutes, puis tu laisses tomber, quoi. Au départ, c'est souvent le meneur qui instille justement si la partie va être plus de roleplay ou pas. Ouais. Il va placer l'ambiance, il va décrire le cadre. Ben voilà, c'est. Ouais, tout comme si, je crois qu'une fois j'ai joué avec des gamins, ils étaient tellement pressés, ce qui les intéressait c'était de voter, quoi. Et donc, ils votaient, dès que le jour se levait, je disais qu'il était mort, puis ils votaient, tu vois. Ben oui, il était dans le pragmatique. Tu peux nous parler un peu de Polar Base? Moi, j'avais rajouté Polar Base parce que justement, quand on parlait de. Bah là, c'est le jeu, on va dire, où on joue un rôle et où aussi on raconte une histoire, mais en commençant par la fin. Voilà, c'est. En clair, on commence. On est donc un membre d'une équipe d'exploration de scientifiques dans une base polaire. Et tout le monde est mort. Donc, on doit commencer par raconter sa mort. Et après. Comme dans Memento, on remonte le fil de l'histoire petit à petit. Donc, on joue une scène après l'autre, chaque personnage. Et on a des cartes, on va dire, qui vont nous permettre d'ajouter des éléments. Et donc, les joueurs, évidemment, les autres joueurs vont pouvoir intervenir en nous disant, en posant des questions, en rajoutant des éléments dans notre narration pour un peu nous perturber. Et des éléments qu'on va devoir intégrer, quoi. Et bon, parfois, il y a des objets assez cocasses qui sont prévus dans les cartes, et c'est assez rigolo. Les prothèses mammaires, ça m'avait un peu. Il n'y a pas que ça, il y a des objets pires. Ça va pas mal. Et c'est vrai que ça donne envie de faire du Memento en jeu de rôle traditionnel, quoi. Même si c'est, je pense, assez difficile à mettre en scène, hein. Franchement, faut, je pense, un minimum de préparation. Parce que le faire, c'est l'idée, comment dire, est très intéressante, mais Moi, je pense que j'y arriverai au contraire sans préparer, en impro. Hein. La préparation, ça me bloquerait dans tous les sens. Et en impro, j'aurais plus facile tu vois, à colmater les brèches, à la volée. Hein. disons que Bon, Polar Bear, j'ai déjà fait un scénario qui s'appelait Duel, où c'était pas du Memento, c'était de la chronologie éclatée, mais bon, ça en était très proche. Ça avait bien fonctionné. En plus, on avait joué sans MJ, et si tu veux, en fait, tout le monde était d'accord pour faire fonctionner le truc. Le risque du Memento avec MJ, c'est que les joueuses vont pas forcément jouer le jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'elles vont, elles vont essayer de voir comment elles vont te surveiller, voir si tu arrives à être cohérent, et puis elles vont peut-être pas accepter que tu leur imposes. De fait, d'arriver peut-être au début de la scène dans un état X. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un travail avec les joueuses pour qu'elles bossent de concert avec le MJ pour que ça se passe bien. Justement, dans ce cas-là, Polar Base est un bon entraînement d'une certaine manière si on veut faire ce type Ouais, de à la travail. rigueur, je pense qu'il faudrait ce genre de truc. Il faudrait se faire une partie de Polar Base en échauffement. Et puis après, tu lances la partie Memento. Je pense qu'avec certains jeux, à mon avis, ce genre de truc avec Milvo Mantra, ça marcherait bien. Parce qu'il y a quand même déjà un travail sur l'éclatement de la chronologie dans Milvo Mantra. Le fait, dans Milvo Mantra, si tu veux, tout comme dans Mantra, T'as quand même pas mal de trucs de causalité qui sont pas bien expliqués, quoi. Les personnages ont des blancs, tout ça. Donc, le fait que de toute façon la causalité soit un peu malmenée, va rendre un petit peu le Memento plus facile à jouer, quoi. Et puis, bah, ici, il y a quand même au moins un jeu de rôle qui le fait, c'est Boule de Neige. Bon, c'est sans MJ, mais bon, c'est quand même vraiment, c'est un jeu de rôle Memento, quoi. Je connais pas. Ben, Boule de Neige, c'est vraiment le principe. Tu démarres le scénario par la fin, et puis on recule à chaque fois dans le passé, quoi. C'est un grand classique du jeu de rôle sans MJ, en fait, qui est assez vieux, hein, c'est les années 90 ou début 2000. Ah ouais, je n'ai jamais entendu parler. Hein. C'est étonnant. Bah, je mettrai le lien. Il se trouve, en fait, il est en plus, tu peux le télécharger gratos. En français, traduit par Cédric Ferrand. Et pour finir avec les jeux de société de rôle, il y a le jeu d'enquête. Je voulais lui Oui. parler de Sherlock Holmes, Détective Conseil. Ouais, parce que j'ai remis le pied dedans il n'y a pas très longtemps non plus. Et c'est clair que voilà, ça a toujours été un jeu, je pense, le Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc voilà, le jeu des années 80 qui avait été traduit donc, par l'antique jeu des cartes, qui a été revu et corrigé. Donc là, c'est les. Alors c'était Istari, puis après les Space Cowboys qu'on a fait une nouvelle édition l'année dernière. Vraiment l'exemple parfait du jeu d'enquête. Donc là, au départ, bon, il y a quand même un prétexte, on joue un rôle, hein, on est censé quand même jouer le rôle, comment dire, des informateurs, enquêteurs, des en fait de Sherlock Holmes, qui, on va dire, le délestent et vont faire une enquête à sa place. Voilà. Et donc, les enquêtes, c'est vraiment des enquêtes, on va dire, de l'univers de Sherlock Holmes. Voilà, on est dans Londres, on va chercher des indices, on va utiliser comment dire un plan avec des codes, ça correspond à chaque fois à une localisation géographique et à un chiffre, et donc ça permet d'aller voir un témoin qui va nous donner comment dire ou pas des informations. Et il n'y a rien comment dire qui va nous donner nommément comment dire la solution hein, de l'énigme. Falloir, on va dire, se faire sa conviction personnelle sur l'affaire. Et à la fin, une fois qu'on a bien accumulé les informations, on va répondre à un certain nombre de questions. Et après, on va comparer, on va dire, ben, à la solution, donc le nombre de questions auxquelles on a pu répondre, juste. Et on compare, comment dire, au nombre de pistes que Sherlock Holmes a suivies, qui lui, de toute façon, est trop fort, imbattable. Hein. Donc, c'est un peu frustrant sur ce côté-là, parce que Sherlock Holmes. On dit souvent quand on joue à Détective Conseil, ah ben lui, il a réussi à résoudre l'affaire sans sortir, comment dire, de son fauteuil et en lisant le journal, quoi. C'est un peu ça. C'est Clairement, vrai que parfois, c'est. Alors que nous, on va être très, très consciencieux, très méticuleux, on va dire, ah ben non, là, on va aller quand même vérifier chaque indice, chaque piste pour être vraiment sûr de ce qu'on fait. Et en fin de compte, ça va un peu nous pénaliser dans la mesure où Sherlock Holmes, lui, il n'aura même pas eu besoin, comment dire, de. lui, avec les premiers indices, il a déjà trouvé quoi. Voilà, il n'a même pas eu besoin. Ouais, tandis que toi, ben, tu vas être obligé d'aller chercher des indices de seconde ou de troisième génération pour conforter. Voilà. Ouais. Porter le principal, sachant qu'en plus, à chaque fois, dans chaque enquête, qui est vraiment très très bien, à chaque fois très bien construite, il y a des fausses pistes, il y a des histoires secondaires. Donc, il ne faut pas se paumer, quoi. Le dernier qu'on a fait, on s'est un peu vautré parce que on est resté trop concentré en fait sur l'histoire secondaire. Et c'est vrai que faut. Et c'est un bon. Je pense que c'est un bon entraînement pour après faire du jeu de rôle d'enquête, où donc la partie rôle, elle est quand même un peu mise de côté, mais la partie enquête, elle est quand même Bah, extrêmement d'un côté, ça complexe. entraîne, ça entraîne les joueuses, ça entraîne le MJ parce que lui, il voit vraiment c'est quoi une vraie enquête bien touffue, quoi. Voilà. Basée plutôt sur de l'indiciel, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que le type d'enquête qu'on a dans Sherlock Holmes, c'est une analyse des faits, quoi. C'est Hein, vraiment très. c'est pas toutes les enquêtes, que ce soit dans la littérature ou dans le jeu de rôle, qui fonctionnent comme ça. C'est sûr. Et pour le coup, moi je sais que j'avais eu pour ambition à une époque de me dire, ah, il faut vraiment que je fasse une partie de jeu de rôle où on n'est effectivement que sur de l'analyse d'indices et du coup on jouerait sans dé ni rien, quoi. Juste, bah, je fournis les indices et puis je fournis les premiers indices et après les joueuses peuvent débloquer des indices secondaire ou tertiaire à condition de penser à aller fouiller telle pièce ou interroger telle personne, tu vois. Parce que là, il n'y a pas de hasard du tout hein, dans Sherlock Holmes Détective Voilà. Conseil. Ouais. C'est C'est vraiment pur uniquement player la skill, quoi. capacité du joueur à aller Ouais. C'est et vraiment le à pur. interpréter les indices qu'on lui donne. D'ailleurs, quand on dit justement ben, comment on peut le réutiliser dans le jeu de rôle traditionnel, c'est simple, hein. Tous les scénarios de Détective Conseil, vous pouvez les adapter en scénario de jeu de rôle sans problème. Donc, Voilà, au n'importe quel pire, système de jeu. effectivement, il y a tout ce qui est jeu émergent, mettons par exemple, parce que les personnages veulent, eh bien, tu vas le gérer avec les règles de l'appel de Cthulhu, par exemple, mais Voilà. ouais. Ou avec même le Trail of Clue, quoi, le System Gum Ouais, Show, qui s'est système très bien Gumshoe accouché est à plus ce. axé en catégorie, quoi, est plus axé sur l'enquête, ouais. Voilà. Et où Ouais, là, parce que donc. système Gumshoe, justement, c'est vrai que c'est un système de JDR qui est prévu en fait pour te entre guillemets donner de l'indice. Voilà. Éviter la Du coup, frustration ce de bah, là, système j'ai Gumshoe raté mon pour jet. débloquer les indices de Sherlock Detective Conseil, et puis après, si tu peux rajouter, pourquoi pas un peu à la rigueur, tu rajoutes un peu de baston, tu vois, tu rajoutes deux trois profonds qui sont pas dans ton scénario Detective Conseil, juste pour se défouler de temps en temps, quoi. Et puis, et puis le reste, tu joues effectivement en mode enquête, quoi. Alors, je voulais faire, malheureusement, c'était pas dans le plan, mais je pense que ce serait dommage de conclure sans faire un mini crochet par les jeux vidéo. Bon, surtout qu'on sait qu'ils doivent quand même pas mal aux jeux de rôle, hein, les premiers jeux de rôle textuels en jeux vidéo. Bon, c'est quand même à mon avis, c'était des mecs qui jouaient à Donjons et Dragons, hein, qui ont fait ça, hein. Assurément. NetHack et compagnie, hein. Bon, bah, Diablo, Baldur's Gate, tout ça, on sait bien tout ce qu'ils doivent aux jeux de rôle. Moi, je sais quand j'ai joué à Baldur's Gate, hein, donc c'est les règles de AD&D, puis ensuite il y avait la suite, comment ça s'appelait la suite? Ah merde, j'ai oublié. Qui prenait les règles D&D 3. En fait, je me suis même dit, bah, avec ça, avec ce jeu, j'ai l'expérience Donjons et Dragons. Dans le sens où j'avais vraiment le sentiment que ça servait plus à rien de jouer à Donjons et Dragons sur table. Parce qu'en fait, on avait toute l'expérience de monter un personnage, de gérer un combat, sans les lourdeurs, quoi. C'est pas Neverwinter Oui, il y avait Neverwinter Nights, mais il y en a un qui était. Mais comme Neverwinter. Non, justement, c'est avant Neverwinter Nights. Night? Ah d'accord, c'est avant. Ce Neverwinter Nights, il est en 3D, il y a des modules et tout. Bon, après, les modules de Neverwinter Nights, pour un MJ, c'est vraiment un outil de rêve, quoi. Hein. C'est vrai qu'il y a une. Les gens se sont tapés des gros délires, dans le sens où vous pouvez créer des modules entiers avec Neverwinter Nights. Et clairement, ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser comme aide de jeu pour ta partie de Donjons et Dragons sur table. Hein. Il y a moyen de s'éclater. Hein. D'ailleurs, il y en a qui le faisaient. Hein. J'ai déjà vu des gens qui utilisaient le module, ils créaient des modules, mais c'était vraiment pour aide de jeu pour le jeu de rôle sur table. Il y avait. Comment Shiryu qui jouait avec des comment qui jouait des scénarios avec des jeunes et en fait les scènes de baston il les jouait avec Street Fighter. Bah pourquoi pas, plutôt que de lancer les dés, on sort les manettes. C'est idiot. Mais tout comme c'est pareil, on parlait d'Escape Game tout à l'heure. Bon bah à la rigueur. Pourquoi pas, au milieu d'une campagne de jeu de rôle, t'enfermes les personnages dans une pièce et puis tu leur fais jouer un point and click. Il y a plein de jeux en effet d'énigmes qui sont tout à fait intéressants en effet Ou on fait une course-poursuite, bah écoute, on sort un jeu de bagnole et on gère la course-poursuite à la manette, hein. Ouais, là, ça va favoriser quand même ceux qui sont des habitués de la chose. Hein. Je sais que moi, je dirais. Oui, je pense qu'il faut jouer avec des gamers je pense par exemple, à mon avis, coupler une campagne de cops avec GTA, il y a moyen de faire un truc sympa. Sûr, il y a beaucoup de tableaux, beaucoup de situations, c'est quand même incassable comme jeu vidéo. Alors, on reproche souvent à Bon Escience, effectivement, le jeu vidéo d'être beaucoup moins émergent que le jeu de rôle. On peut dire que le jeu vidéo, il est interactif, tandis que le jeu de rôle, pour reprendre le terme de Coralie David, le jeu de rôle, il est intercréatif. C'est pas du tout le même degré de participation d'action de la joueuse hein, sur le jeu, quoi. Pour autant, cette interactivité, ou même des fois au contraire cette absence d'interactivité, est intéressante à utiliser en jeu de rôle. Par exemple, c'est le cas des cinématiques. Un jeu qui sait très bien utiliser les cinématiques, c'est Sens Exalogie, le jeu de Romaric Briand. Bon, de toute façon, Sens Exalogie, vraiment, surtout le premier Sens Renaissance, est très très inspiré de jeux vidéo. Oui, c'est manifeste. Et c'est vrai que, à mon avis, c'est un jeu qui plairait, partie de Sens Renaissance, c'est un jeu qui plairait particulièrement aux gamers, quoi. L'armure des personnages est inspirée de Metroid. Il y a plein de cinématiques où justement, tu vois, en fait, grosso modo, tu vois se dérouler la grande histoire sous tes yeux, quoi. Et le fait que pendant la cinématique, t'es pas un grand pouvoir, c'est pas tellement important, en fait. C'est-à-dire que quelque part, t'as plusieurs jeux dans le jeu dans Sens Renaissance. T'as entre guillemets l'histoire des personnages d'un côté qui est jouée, quoi. Et puis effectivement la grande histoire dont les personnages sont seulement finalement les témoins qui est sous forme de cinématique. Jusqu'au moment où on peut espérer qu'ils seront assez bourrins pour juste avoir un vrai rôle dans les cinématiques. Mais à la rigueur, peut-être qu'on pourrait aussi développer, bon, j'avoue que je ne sais pas comment techniquer ça, mais on pourrait développer l'équivalent de QTE en jeu de rôle, quoi. Donc les QTE, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cinématiques où en fait ton personnage fait quelque chose du genre il se bat, et tout ce que tu dois faire, c'est appuyer sur les boutons où au moment on te le demande. Et donc Ouais, si tu viens chez comme moi, Final Fantasy. ouais, notamment, ouais. Donc il y aurait peut-être quelque chose à faire là-dessus, quoi. Ou tout simplement faire des cinématiques avec vraiment des choix à faire pour les personnages, mais qui soient très restreints, toi, des choix binaires, quoi. Alors, il y en a qui poussent des cris d'orfraie hein, quand je propose de faire des choix binaires, parce que hein, le jeu de rôle, c'est le média de l'absolue liberté et tout. Mais je pense qu'il y a des moments où réduire le gameplay à des choix binaires. Ça renforce en fait, ça renforce le game feel quoi. C'est-à-dire que là, tu mets devant le personnage devant un choix binaire, bon, informé, pas informé, ça dépend. Et en fait, ouais, je trouve en termes de sensation, c'est plus quelque chose de plus dur, de plus renforcé. Tu sais que tu peux pas te dérober au truc quoi. Tandis que si on te permet de faire n'importe quelle action, tu vas toujours trouver un moyen d'échapper à l'expérience, en quelque sorte, quoi. Un dernier truc inspiré du jeu vidéo, dans Sens Renaissance, que je trouve très bien fait, c'est la mécanique de l'ombre monde, qui est qu'en fait, les personnages naviguent entre deux mondes, le monde normal, et l'ombre monde, c'est un monde où ils ne sont pas censés exister. Et donc, il donne un exemple. Par exemple, il y a telle forteresse que tu veux prendre. Et ben à la rigueur, pour passer dedans, tu passes dans l'ombre monde parce que dans l'ombre monde, comme t'existes pas, il y a une sécurité, comme les résistants n'existent pas, et ben il y a beaucoup moins de sécurité, donc la forteresse n'est plus gardée, donc c'est plus facile de rentrer dedans. Ou tu peux faire des petits effets à la Portal, du genre, bah en fait. Toujours pour rentrer dans la forteresse, je passe dans l'ombre monde parce que ça se trouve, tel mur n'existe pas dans l'ombre monde. Le mur d'enceinte n'existe pas, tu vois. Et donc, du coup, hop, je passe le mur d'enceinte comme ça. Je rejump dans la réalité. Ça, c'est très vidéoludique comme expérience. Autre jeu très inspiré du jeu vidéo, d'ailleurs, il est même présenté comme un jeu vidéo, c'est Notre Tombeau. Dans Notre Tombeau, il explique dans son intention, il dit ceci est un jeu vidéo, quoi. Et en fait, la campagne de Notre Tombeau, hein, elle est découpée en instances, on peut dire ça comme ça, quoi. Et en fait, chaque instance se passe dans un lieu avec une situation précise et tout. Et quoi que tu aies fait dans l'instance précédente, tu vas forcément passer à l'instance suivante, hein, sauf si tu meurs, évidemment. Bon, des fois, il y a des petites arborescences. Je crois qu'il y a certaines instances qui conduisent sur deux ou trois instances Ouais, possibles. il y a des scènes qui sont, on va dire, obligatoires pour la campagne, d'autres qui sont Ouais, il y a aussi, ouais, plus effectivement, il y a secondaires. des instances que tu peux zapper. Voilà. Et donc, en fait, ça donne un peu l'impression, comme dans les jeux vidéo, c'est les zones hein, où, en fait, tu as un temps de chargement, puis tu passes dans une autre zone. C'est-à-dire que des moments où le jeu est plus cloisonné que ce qu'on a l'habitude en jeu de rôle. Et ça permettait un truc vraiment marrant. Par exemple, quand j'ai maîtrisé Notre Tombeau, si tu veux, j'ai pas lu toute la campagne d'un coup. J'ai lu que la première instance. Je faisais jouer l'instance, puis comme les instances, c'est assez courte, hein, c'est 3-4 pages. S'il nous restait du temps à jouer, eh ben je prenais 5 minutes pour lire l'instance suivante et puis on repartait comme ça. C'est Et même en fait, conseillé pour que le MJ, on va dire, il ait aussi autant de surprises que les joueurs. non, c'était pas conseillé. Moi, en tout cas, quand je l'ai lu, ça m'avait donné, on va dire, l'envie de dire, ah bah, moi aussi, je peux découvrir en fait et être surpris. Ouais, bah, alors de mémoire, hein, là je travaille de mémoire, mais je crois pas que Ino disait de faire comme ça. Mais c'est vrai que oui, bah, faut croire qu'on a quand même eu le même feeling à la lecture qu'effectivement c'était possible, et je te confirme que ça l'est. Ça a super bien marché. Et je sais pas comment dire, mais je trouve qu'en jouant comme ça, déjà le MJ a plus de surprises, et puis tu vas pas avoir la sensation de jouer pour sauver la campagne, tu vois. Tu vas être moins arbitraire, parce que comme tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas quelle va être la portée des actes des persos, Voilà, spontané, ben voilà, tu joues les choses comme elles devaient être jouées, tu vas pas essayer de tricher pour sauver ta campagne, quoi. en plus, je pense pas que ce soit le thème de la campagne, vu que c'est quand même très, très particulier. Et on joue vraiment, on va dire, chaque scène après l'autre de manière très intense et comme si c'était la dernière, quoi. Ouais. Bon, il y aurait plein de choses à faire. On pourrait utiliser Minecraft pour faire des maps de jeu, ceci, Ouais, qu'ils cela. le font, je pense. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, je pense que ces deux médias qui n'ont pas fini de dialoguer, loin de là. Ben ça, c'est sûr qu'on empruntera beaucoup l'un à l'autre, sachant que ça a souvent été du jeu de rôle vers le jeu vidéo au début, et ça, là Bah, maintenant, l'inverse, hein, tu vois, bon, bah, l'empreinte DD4, dans l'autre sens. clairement, la logique est clairement empruntée au MMO, quoi. On a vu avec DD4 d'ailleurs, avec la polémique que ça a, provoqué, les rôlistes d'ailleurs, parce que ben voilà, c'était pas encore dans les mœurs. Ouais, c'est pareil, je pense que DD4 est peut-être sorti un poil trop tôt, peut-être. Peut-être. Ou c'est juste pas adressé à. Bon public, Ouais, oui. parce que. Ouais, bref. Ah, ça, on pourrait en parler aussi. Problème Et de jeu à donc, vendre. je pense que là, on a fait notre tour d'horizon bah, de toutes les autres formes de jeux de rôle, quoi. Et bon, on a essayé enfin, bon. On a essayé de donner des pistes concrètes. Voilà, qui puissent être. Pas uniquement pour les auteurs, mais vraiment pour les MJ et les joueuses de JDR Tradi, de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer, comment on peut désosser un petit peu tous ces jeux bizarres, et puis les ramener un peu dans notre expérience Tradi, quoi. Et voilà, et oser utiliser le matériel de certains jeux de plateau voilà, pour Mais enrichir ses propres. à l'inverse, mais bon, je pense que ça on le fait beaucoup, mais. C'est sans doute très intéressant quand on joue à des jeux de rôle un peu expérimentaux, et bien d'aller chercher des solutions du côté du jeu de rôle tradit. Il faut vraiment décloisonner les deux trucs, quoi. Se dire que tout est bon à acheter dans le jeu de rôle tradit, que c'est un truc pour les vieux, que c'est que des problèmes, c'est une erreur, quoi. Il y a plein de bonnes choses. Et je pense qu'il faut être bien conscient à chaque fois des qualités, des défauts de chaque démarche. Et savoir, du coup, pouvoir faire dialoguer toutes les démarches entre elles. C'est surtout une question de goût, en fait. Et voilà, c'est qu'est-ce qu'on recherche dans notre pratique et qui va nous permettre d'avoir le plaisir et, on va dire, l'évasion la plus totale. Moi, je sais qu'au-delà des goûts, j'aime bien creuser sur les motivations, c'est-à-dire quand il y a, entre guillemets, un gameplay rôliste qui déplaît à une personne, c'est pourquoi en fait? Pourquoi ce gameplay-là lui pose problème? Est-ce que c'est quelque chose. Souvent, j'ai tendance à dire que c'est au niveau de l'immersion que ça cloche, c'est que ça casse son fonctionnement immersif habituel, quoi. Mais bon, ça peut être pour d'autres raisons, hein. Des fois, c'est juste des questions au contraire d'équilibrage de jeu, quoi. Il est évident que, par exemple, quand on est habitué à un jeu assez équilibré où si tu joues bien, tu as de bonnes chances de réussir, et qu'on arrive sur un jeu comme l'étrange manoir, où en fait tout se joue à pile ou face, en termes d'équilibrage, ça fait drôle, quoi. C'est sûr. Bon, il y a pas mal de jeux quand même maintenant de systèmes de jeu qui se résument à un pile ou face, quoi, un 50-50, hein. Bah, finalement, c'est aussi un paradigme qui est assez différent du jeu de rôle traditionnel. Dans le jeu de rôle traditionnel, on a quand même une sorte de valorisation de la victoire, c'est-à-dire que les joueuses, elles jouent pour gagner. Et le 50-50, c'est une façon de dire qu'en fait, la réussite comme l'échec sont des options tout aussi intéressantes, quoi. Et pour le coup, c'est sûr qu'on est beaucoup plus dans le rôle que dans le jeu. De toute façon, c'est la philosophie des jeux, on va dire, actuels. C'est, quoi qu'il arrive, que ce soit une réussite ou un échec, il faut que ce soit un moteur de narration. Voilà. Faut que ça Bon, fasse comme on l'a progresser dit, l'histoire. ça paraît important de repréciser à nouveau, je pense qu'on l'a dit au départ, mais que le rôle ou le récit, ça peut être une priorité pour certains, mais c'est pas toujours la priorité de tout le monde. Il y a des moments où bah, trop de rôle tue le jeu, et donc on peut avoir envie, au contraire, de mettre le gameplay en avant, mettre le jeu, mettre la mécanique, et laisser un peu tomber ces idées de récit, quoi. Et même de roleplay. Ben Alexandre, je te remercie bien de m'avoir accompagné au sein de cette espèce de traversée un petit peu colossale là, du média rôliste et narratif, quoi. On en a beaucoup dit. Mais bon, je pense que chacun pourra y trouver vraiment des choses qui lui parleront, des choses qu'il pourront utiliser. Et ça, je pense que voilà. Même si c'est long, je pense que ça sera utile. Et à bientôt. Et à bientôt.